Bonsoir et bienvenue au Centre d'Universalité pour ces études de la table ronde de l'universalité mondiale en compagnie d'Alexandre Lachance. J'ai pour commencer d'abord une petite annonce à vous faire. Il y a une modification au programme, c'est-à-dire que ce qui avait été prévu pour le mois d'août, c'était de donner une espèce de vacances face à l'enseignement théochristique et il y avait été annoncé trois conférences. Qui étaient des reprises en quelque sorte de ce qui avait été donné par le passé, en dehors de l'enseignement théochristique lémurien. Alors, pour diverses raisons qui seraient trop longues à énumérer ici, on a décidé finalement de ne pas donner ces conférences-là et de continuer dans l'enseignement théochristique au mois d'août. Donc, à partir de la première semaine d'août, le premier dimanche, on commencera une nouvelle session. Donc, on aura terminé deux cahiers maintenant et on attaquera un troisième cahier au tout début du mois d'août. Alors, il n'y aura pas ces conférences qui ont été annoncées. Là, elles seront données probablement en novembre ou décembre lorsqu'il y aura beaucoup plus de monde, comme ce sont des conférences généralement qui remplissent la salle. Il est préférable d'abord que ça soit donné au mois de septembre ou octobre. Alors, ce que je peux déjà vous annoncer, c'est la suite, donc la deuxième session, vous donnez les titres des conférences qui débuteront au mois d'août, toujours dans l'enseignement théochristique lémurien. La première section, ce sera votre symphonie sur le clavier cosmique. Section 2, prix et salaire dans la nouvelle économie. 3, la protection de l'ingénuité humaine. 4, le standard parfait et la dimension parfaite. 5, l'inventaire de l'environnement du caractère. 6, structure du système économique du futur. 7, processus de correspondance. Et on terminera encore une fois avec un exercice initiatique qui sera un exercice sur la méditation. Alors, cette semaine, on va continuer donc les études du nouvel ordre de la théodémocratie à travers la traduction lémurienne de la Bible. La semaine dernière, en résumé, on a vu que la loi cosmique est inviolable et quoi que ce soit qu'un homme sème, c'est aussi cela qu'il récoltera. Alors je continue maintenant ce chapitre-là sur la traduction lémurienne de la Bible. Il est intéressant d'observer ici que dans les temps lémuriens, toutes les pénalités criminelles de cet ancien temps étaient basées sur des principes économiques. Même l'homicide était punissable par des sanctions économiques. Un meurtrier n'était pas exécuté par l'État comme cela arrive si fréquemment dans notre âge moderne et plus barbare, détruisant ainsi son utilité envers la société. Il lui était requis de prendre la place de l'homme assassiné et de supporter la famille de cet homme pour le reste de sa vie, si sa victime était un homme marié, ou aussi longtemps qu'il était nécessaire pour éviter qu'un membre quelconque de cette famille devienne une charge publique. Aucune peine capitale était légale en Lémurie. Et la seule alternative qu'un criminel avait d'une restitution volontaire était l'exil. Et l'exil n'avait d'attrait que pour les malfaiteurs les plus incorrigibles et endurcis. Justement, alors comme on peut voir que ce système de rétribution des méfaits est à calculer sur le bien-être général, et au lieu de sévir par des sanctions empiriques, alors on répare le tort causé en forçant le malfaiteur à passer le reste de sa vie à réparer les méfaits qu'il avait commis. Alors c'est un système idéal. Il Ça devait passe... donc supporter la charge de la famille de la personne. Exactement, oui. Ça arrivait, même dans les temps les plus récents, c'est encore arrivé en Chaldée, ça. Ces choses-là, on a des... Et en Perse, ça a duré longtemps, ça aussi. Ouais. Alors, chez les Hébreux, ça existait aussi. Alors, ce système-là était idéal, il va certainement se rétablir tôt ou tard, parce que c'est ce que l'on vise, nécessairement. Ouais. Maintenant, alors, nous avons déjà indiqué que l'homme ne peut détenir de titre qu'à ce qu'il a lui-même créé ou gagné. Ceci étant une loi cosmique, il en résulte que son actif le plus valable, la terre, ne peut jamais être sa possession exclusive et incontestable. La terre constitue la propriété créée par Dieu, et par conséquent, sa possession ne réside qu'en Dieu seul. L'homme, tout au plus, ne peut devenir qu'un gardien d'une telle propriété durant le temps où elle est sous sa juridiction. Dans le Lévitique, nous lisons: La terre ne se vendra pas à perpétuité, car la terre est à moi. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Seulement, c'est impensable qu'une partie de la planète puisse appartenir en exclusivité à un pays, même à un pays ou à un clan, une tribu, à l'exclusion de toutes les autres. Alors, la Terre appartient au créateur de la Terre et elle doit être mise à disposition de la planète tout entière et de tous ses habitants. Alors, cette loi-là a été respectée pendant des millénaires et graduellement, elle a cessé d'être mise en vigueur. Mais c'est l'état idéal auquel on doit retourner pour qu'il y ait une distribution collective de tous les biens qui appartiennent en réalité à l'auteur de toutes les bonnes choses. Le Canaan original était connu sous le nom de la vallée de Xion, entre parenthèses Sion, une plaine hautement fertile sur la terre mère de Moukouli, à travers laquelle coulait la rivière Opeu. Cette dernière était un petit tributaire qui connectait la rivière Tala. Ce fut dans cette vallée qu'Abraham vint avec sa famille tribale. Deux grands cycles zodiacaux précédant l'âge aryen et le commencement de notre période historique moderne, environ 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est exactement là que l'on fait connaissance avec Melchisedec, qui était l'initiateur d'Abraham. 8000 ans avant Jésus-Christ, il y a 10000 ans. Alors, la première initiation collective pour les Hébreux, les Israélites, a commencé par ce personnage-là, qui était considéré comme un extraterrestre définitivement. Parce qu'on dit bel et bien dans les épées de Saint-Paul, et ainsi que de Saint-Pierre, qu'il n'a pas de biographie à son sujet, qui était ni né ni mort. Il est apparu venant d'ailleurs, puis a instauré une initiation dans la lignée d'Abraham, dont l'enseignement judéo-chrétien a découlé. Alors c'est là qu'on fait connaissance pour mes frères de ce Melchisédek, qui était véritablement un envoyé d'ailleurs, un précurseur du Nazaréen. On dit bien d'ailleurs dans les épîtres de Saint-Paul, que Jésus était prêtre selon l'ordre de Melchisédek, non pas selon l'ordre d'Aaron. Alors là, c'est le premier événement probant puis historique qui nous met sur la piste de l'enseignement judéo-chrétien et l'enseignement théocristique. L'histoire se répète et ce n'est que dans cette répétition que nous pouvons discerner le caractère spiralique de l'évolution humaine à travers les incorporations successives des mêmes âmes. Précisément. C'est la voie de réincarnation qui entre en jeu. Tôt ou tard, même déjà maintenant, on commence à l'accepter, que les anciennes âmes se réincarnent après avoir épuré l'état de toute une vie. C'est pas comme le lendemain d'une journée, on peut bénéficier des erreurs que l'on a faites. Alors que ce soit des vies terrestres ou bien des vies célestes, il y a toujours le même cheminement qui se fait. C'est une spirale, c'est un cercle, mais un cercle ascendant. Alors, c'est l'évolution, après qu'il y a eu l'évolution. Il y a eu quelques années en arrière, depuis à peu près 5 ou 6 ans, ou 10 ans peut-être au plus, il y a eu beaucoup de mouvements qui annonçaient la resurgence des Atlantes dans le monde, ou la réincarnation des âmes Atlantes dans notre période. Oui. Et il semble que d'après l'enseignement théocristique, là, on assiste également à une resurgence ou à une... Exactement, surtout dans le domaine des inventions. Les inventions que l'on a fait depuis quelques 30 ou 40 ans, ce sont des répétitions de ce qui existait autrefois en Atlantide et en Lémurie. Ce sont des faits. C'est ça. Ouais. Et c'est la première fois ici qu'on parle de, qu'on met l'emphase sur les Lémuriens. Hein, oui. Mais il y a tellement d'histoires aujourd'hui. Je regarde encore dans les Upanishads il y a à peine quelques jours. Quelque chose qui est répété dans la théogonie du Rancière. Hein, cosmogonie. La cosmogonie, justement. On peut l'appeler une théogonie aussi parce que. Oui. Alors, ce sont des faits véritablement historiques. Mais ça veut dire quoi qu'il y ait une période qu'on vit aujourd'hui où il y a donc réincarnation c'est une résurgence de ces âmes qui ont maintenant épuré leur karma, si on peut dire. Mais pourquoi à notre époque, les Lémuriens et Atlantes se réincarnent? Voici, nous sommes dans le Nouveau Monde. Hein? Il y a trois siècles, on a décidé de recommencer tout en neuf sur une terre nouvelle, hein? Dans les nouveaux cieux, c'est-à-dire des nouvelles valeurs spirituelles. Alors, c'est là que ces âmes... et qui ont été en souffrance pendant un certain temps, décident de recommencer leur périple terrestre. Comment feriez-vous une différence, par exemple, entre une âme lémurienne et une âme atlante qui se réincarne toutes deux aujourd'hui? La Lémurie avait un aspect moral qui était supérieur à celui des Atlantes. Il y a eu une déclivité morale pendant un certain temps. Et après avoir passé par la légende, ils sont établis à Daïtia, puis en Poséidon. Et finalement, en Haute-Égypte, mais il y a eu une période de déclivité pendant un certain temps. Alors, il y a une grande différence entre les Lémuriens originaux, qui venaient directement d'ailleurs, et les Atlantes, qui venaient de Lémurie, avec les cordillères des Andes, etc. Alors, il y a eu une période d'obscurantisme pendant cette période-là, entre l'existence de deux les deux continents disparus. C'est le premier, c'était la Lumurie, le continent nul. Hein. Et finalement, l'autre, la Trois Périodes, c'était la Lumurie avec Dacia, l'Atlantide, c'était avec Dacia, Réauté et Poséidon. Pour renaître de nouveau avec Akhenaton en Haute-Égypte et la lignée des patriarches ainsi que la lignée judéo-chrétienne. Donc on peut dire qu'à notre époque, il y a parmi nous des âmes lémuriennes et des âmes atlantes. Oui, définitivement, oui. Donc il y a en nous la mémoire de toutes ces époques-là. Oh oui, est-ce oh qu'on oui. peut considérer que l'âme serait un peu comme la boîte noire d'un avion qui enregistre toutes les conversations? Oui, on en parlait dernièrement, oui. Et puis on a même donné des précisions au sujet de ce que ça représente. Ça tient record de tout ce qui s'est passé dans l'avion ou ouais, sur la Terre. Donc l'univers mémorise toutes nos pensées, toutes nos oui. actions. L'univers a une âme, c'est l'âme universelle, et elle est psychoplastique, c'est-à-dire qu'elle enregistre tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été mis en agence par les êtres humains. Alors ça existe en permanence. C'est un record. La matière plastique, elle est psychoplastique, c'est-à-dire tout ce qui a été pensé, conçu, existe en permanence. Et quand les conditions sont favorables, elle se répète, elle se cristallise, elle se renouvelle. Est-ce qu'on pourrait catégoriser à ce moment-là ces deux âmes, lémurienne et atlante, et dire que dans notre civilisation aujourd'hui, ce qui fait la caractéristique des âmes atlantes, ce serait peut-être tout cet aspect de technologie. Précisément. C'est là que vient la technologie qui est en résurgence depuis quelque temps, depuis le début du siècle, disons. Alors que les Atlantes, les Lémuriens disent que c'était l'aspect moral et social qui prédominait. Donc la personne qui aurait un esprit plutôt scientifique serait une âme atlante. C'était un Atlantéen. Et une personne qui aurait un esprit ou une âme plutôt philosophique ou spirituelle, ce serait une réincarnation. Pour cette raison-là, pour plusieurs autres aussi, qui l'on appelle notre enseignement théocratique, Lémurien. Et dans les vieux documents, on constate que l'expression théocratique existait déjà dans le temps. Alors, ça n'est pas non seulement à croire, mais ça confirme le fait que les personnages qui ont été crucifiés, sodéifiés, existaient bien avant le Nazaréen. On prétend qu'il y en a eu 27, que le Nazaréen était le 27e. Quoique, on lui a donné prédominance à ce dernier pour concentrer sur la lignée des patriarches. Alors, c'est l'aspect moral, social, qui existait en Lémurie. Alors, c'est l'aspect technique qui existait en Atlantide. Le Seigneur dit à Moïse sur le mont Sinaï, « Dis aux Israélites ce qui suit. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur du Seigneur. 6 ans durant, tu ensemenceras ta terre. 6 ans durant, tu tailleras ta vigne dont tu récolteras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un repos pour la terre, un sabbat en l'honneur du Seigneur. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne récolteras pas ce qui poussera des grains tombés de ta moisson, ni les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. » Mais ce que la terre produira pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton ouvrier ou à l'étranger en séjour chez toi, ainsi qu'à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tous les anciens considéraient la terre comme un être vivant. Et comme un être vivant, il y avait droit à une récupération de ses forces, non seulement pour la terre elle-même, mais pour tout ce qui s'y rattachait. Alors l'année sabbatique, qui était tous les 7 ans, aussi bien qu'il y avait les semaines sabbatiques. Hein. Alors, c'était une coutume qui date même avant la lignée mosaïque, ça. Ça existait en Syrio-Chaldée, quoique la terminologie était différente. Alors, le sabbat, l'année sabbatique, ou les périodes de sabbat, c'était obligatoire pour tous les peuples de terre qui étaient en prominence dans ce temps-là. Même, je crois, que dans les cordillères des Andes, il y avait une coutume de ça. Chez les Pérougiens, chez les Incas, chez les Toltecs, les Olmecs, puis les Mayas. Alors, on avait une chose, quoique les termes n'étaient pas les mêmes, des périodes de repos, en tout cas. Le chiffre 7 est rattaché à la création, ou à la... Précisément, la création, oui, c'est la loi du septenaire, pour répéter l'octave. Hein. Bon. On dit qu'il y a la loi de Trinité, les trois forces, les deux forces en opposition, reliées par une troisième qui est mise en équilibre. Ensuite, la loi du duodénaire, les deux sources de provenance de toute vie, et la loi de l'octave, ou du septenaire, qui fait les cycles de 7 ans, ou de 6 jours, assez périodique, ça. Ce sont des cycles récurrents. Maintenant, à une échelle cosmique, au niveau des cycles... Ben, voyez-vous, on a vraiment les 7 plans de conscience, les 7 planètes originales, qui ont tout à faire avec la vie sur la Terre. On en découvre d'autres, ainsi que des satellites, puis il y a des planètes qui viennent d'autres systèmes solaires qui s'incarnent dans notre exemple, Pluton, par exemple, qui s'introduit dans notre système solaire. Mais originellement, il y avait 7 plans de conscience, 7 rishis, ou les sept vieillards autour du trône, alors qui ont contribué à faire la Terre ce qu'elle est. Alors, cette loi du septenaire existe depuis les temps immémoriaux, depuis les temps assyrio-chaldéens. Et dans la zone de Vesta, il y en a question aussi de la loi du septenaire, quoi qu'on met moins d'enforce de la loi du duodénaire, parce que l'astrologie venait un peu plus tard. Et concernant l'évolution des races à la surface de la Terre, il y a également sept grandes races racines qui sont... Oui, c'est parce que, voyez-vous, il y a cette vague d'invasion qui viennent des différents plans de conscience, des différentes planètes. Hein. Alors, c'est ça qui rencontre les différentes races. Hein. La race, on pourrait dire, mercurielle, vénusienne, martienne ou martiale, si vous voulez, aujourd'hui, c'est devenu martiale, hein, et jupitérienne, tout ça. Alors, ça venait des différents êtres, des grands êtres qui entourent la planète, qui l'ont colonisé et humanisé graduellement à tour de rôle. En commençant par Mercure, qui a donné l'intelligence, le manos, à l'homme. Ah. Bon, et alors, en allant au fond de cette théorie des cycles, de cette cyclologie-là, lorsqu'on arrive à la septième manifestation donc de la race mère, il y a un temps de repos aussi. Justement, pour le palaïa, le temps de repos, oui, c'est l'inspire de Brahma, si vous voulez, le grand inspire. Dieu s'émane, il émane son énergie, le monde apparaît. Et ensuite, il reprend son souffle, il respire, et le monde retombe sur un plan supérieur. Et graduellement, comme ça, de cycle en cycle, de Manvantara, comme ça, en Manvantara, les races montent et s'améliorent graduellement jusqu'à ce qu'elles fassent une espèce tout entière. Bon. Et là, c'est cette race qui est maintenant à la surface de la Terre, on peut en dire sept, qui en a véritablement sept. Alors, ils vont, sont tendance à tous se homogénéiser graduellement. Ça va en train de le faire. Non seulement l'homme devait-il avoir son sabbat, ainsi la terre devait avoir son repos. Une année sur sept devait être mise de côté comme une année de restauration du sol. Ayant extrait certains éléments de valeur du sol à travers sa culture, l'homme, selon la loi muculienne, devait réciproquer. Comment ? En fertilisant le sol, en embellissant la terre et en respectant la divinité de la nature. De cette façon, l'esprit de chaque citoyen lémurien, initié, était impressionné par le fait que non seulement il y avait un cycle mineur de 7 unités pour le développement de l'homme, mais aussi un cycle majeur de 7 unités pour l'évolution de la planète. À travers ce médium, l'homme apprenait la valeur du rythme cosmique et la nécessité de maintenir la synchronisation convenable avec la pulsion de l'univers. Justement, parce qu'on a toujours considéré la Terre comme un être vivant. Le grand axiome des anciens, c'était que toute vie vient de vie antécédente. Et il n'y aurait pas pu avoir de vie sur la Terre si la Terre elle-même n'avait pas été un être vivant fertilisé par le Soleil et ensemencé par les forces intérieures. Est-ce que vous pourriez élaborer sur la Terre un être vivant? Par exemple, ce serait quoi? Ses poumons? Son métabolisme, sa circulation, son mouvement conditionné. Et elle a aussi une circulation. On peut voir que la Terre a une pulsation, une respiration. Normalement, à toutes les 7 minutes, la Terre a une respiration. Certains sensitifs ont réussi à faire une seule respiration étrique une fois toutes les 7 minutes. Normalement, un homme peut respirer une respiration à la minute, quoique habituellement, la plupart des gens le font 20 à la minute, n'est-ce pas? Mais un bon yoga qui est bien conditionné, respire une fois à la minute. Certains peuvent respirer, s'ils prennent la respiration de la Terre, une fois par 7 minutes. Ils respirent avec la Terre, au rythme de la Terre. Ces gens-là vivent des siècles et des siècles. Alors, quand ils ont atteint cet état de transcendance, de prédominance du physique, proprement dit, des poumons, alors ils respirent une fois par 7 minutes seulement. C'est un respire incessant, ou un expire incessant. Hein? On en parle beaucoup dans les anciens documents. La respiration transcendantale. C'est la respiration transcendantale, là. Une respiration par 7 minutes au rythme de la Terre. Hein? On ne conseille pas ça à personne de s'essayer ici. Non. Sans une grande préparation. On pleure, puis si on reste une minute sous l'eau, on a hâte de sortir, n'est-ce pas? Ben oui, est-ce qu'on pourrait dire que le système nerveux de la Terre, ce serait les courants telluriques? Alors justement, oui. Tous ces courants telluriques que l'on peut détecter par des moyens artificiels, ils existent véritablement, puis ils sont périodiques, ces courants telluriques. Et ils ne sont pas incessants. Alors, toutes les 7 minutes, j'avais ces courants-là, ces pulsions. Les nouveaux drivers qu'on a mis en circulation dernièrement détectent ça, une respiration géodésique de toutes les 7 minutes. La Terre entre, se dilate et se contracte. Et les continents s'isolent et reviennent. La Lune a beaucoup à faire aussi à ça. Les cycles lunaires sont divisibles par le cercle lunaire aussi également. On a constaté ça depuis longtemps. Les anciens, les Celtes en particulier, avaient la connaissance de ces courants telluriques. Ah oui. Et le fait de mettre des bâtiments ou des pierres levées au croisement... Pour les déterminer, pour détecter l'endroit où il y avait des courants. Est-ce que c'est pas comme une espèce de sorte d'acupuncture au niveau planétaire? C'est possible, ça. Les méridiens de la Terre, on plante un dolmen à cet endroit-là. Un dolmen, oui. Puis on a toujours constaté que là où il y a un dolmen, il y a toujours des minéraux précieux. Tel que de l'uranium, par exemple. Et on a découvert les premiers gisements d'uranium en cherchant l'emplacement des dolmens. Il est toujours à cette proximité-là. Alors, l'uranium produit une radiation formidable. C'est avec ce qu'on fait avec l'eau lourde, n'est-ce pas? Alors, en se basant sur ces cycles terrestres, on a pu déterminer que la Terre était vraiment un être vivant, qu'elle avait non seulement sa circulation, son mouvement, sa digestion, son assimilation, mais qu'elle avait aussi ses pulsations. C'est un être vivant, véritablement vivant. Est-ce que les océans seraient les poumons de la planète? Ou est-ce que ce sont les forêts, peut-être? C'est difficile de déterminer ça. J'essaie de chercher des rapports, des analogies avec la Terre. Oui, il y a des rapports avec la Terre, mais on pourrait conjecturer abondamment dans ce domaine-là. Mais la Terre a des points de respiration. On sait d'abord qu'elle est creuse. Hein? On en a parlé, puis on n'en a pas parlé suffisamment pour le faire admettre, mais la Terre est creuse. Et il y a deux ouvertures. Et elle respire par ces deux ouvertures-là. Il y a une spirale ascendante partant de la croix du sud, une autre descendante partant de Capella ou de la croix du nord, c'est-à-dire l'étoile polaire. Hein? Alors, il y a une circulation en spirale, une double spirale qui fait que la Terre est en mouvement. Et ce mouvement-là crée la vie, la vibration, hein, à l'intérieur de la Terre qui fait pousser tout ce que le Soleil fait germiner. On parle de l'axe de la Terre qui bascule de façon périodique de quelques degrés d'inclinaison. C'est dans quel but cette inclinaison? C'est pour venir à l'état vertical vis-à-vis du Soleil qu'elle occupait précédemment. Autrefois, le Soleil et la Terre étaient sur le même plan. Et comme conséquence, toutes les Terres étaient à la ceinture équatoriale. Il y avait deux ouvertures polaires et la Terre faisait sa giration autour du Soleil en 360 jours au lieu de 365 et quart comme elle fait maintenant. Alors, quand il y a eu cette déclivité causée par la captation d'une nouvelle planète, c'est-à-dire d'une comète qui était Vénus, qui était Ishtar, qui est devenue Vénus, alors elle a perdu son équilibre. C'est comme si on avait donné un coupé à une toupie qui gire verticalement, puis qui a commencé à faire une déclivité. Et là, la Terre veut reprendre sa verticalité vis-à-vis du Soleil. Les courants... C'est-à-dire les terres du nord, l'hémisphère septentrional, vont descendre vers la ceinture équatoriale, alors que celle du méridien, l'hémisphère méridionale, va remonter. Et toutes les terres sont localisées à la ceinture équatoriale. Alors la Terre gira verticalement. Il n'y aura qu'une seule saison, une saison estivale. Ça, ce sera l'âge d'or, comme on a déjà parlé, comme on a toujours parlé. Alors là, la Terre sera véritablement en orbite avec le Soleil, tandis que là, il y a une déclivité qui oscille entre 6 et 6 mois et demi. Mais physiquement, c'est quoi qui produit le phénomène de bascule des pôles? Ça a été d'abord la captation de cette comète errante, Vénus, qui ne faisait pas partie du système solaire autrefois. Un nommé Velikovsky, oui, Velikovsky, on a parlé longuement, puis dernièrement, on a commenté sur son œuvre, puis on a prouvé qu'il avait véritablement raison. Et il a puisé dans tous les renseignements des époques qui nous ont procédé pour confirmer cette hypothèse-là, que la dernière comète, la dernière planète du système solaire a été surajoutée. Elle a été adoptée par le système solaire. Et depuis tant d'années, tant qu'elle ne sera pas en équilibre avec tous les autres planètes du système solaire, là, il y aura encore du désordre dans le système solaire. Et quand Sota, celui dont on parle parfois, le Soleil autour duquel notre Soleil tourne, sera en équilibre avec le Soleil, alors toutes les planètes seront en ligne directe avec le Soleil et Sota. Le très haut. Mais mathématiquement, il y a dans l'ordre des planètes, il y a une planète ou une séquence qui manque dans l'ordre mathématique de l'avancement. Qu'est-ce qu'on appelle la loi de Bob? Je pense que j'avais déjà entendu parler de la loi de Bob, n'est-ce pas? Einstein en a parlé, et plusieurs autres précédemment. Poincaré, le mathématicien Poincaré en a parlé aussi. Une loi de Bob qui donne la distance qui doit exister entre chaque plan de conscience. C'est une octave, véritablement. Véritablement une octave. Alors, l'octave est graduée. Et les mêmes lois existent dans ce grand univers qui existe dans tout dans le monde des vibrations. Les vibrations sont toujours parutables, la loi du septenaire. Alors, quand cette loi-là sera établie et tous les mondes seront en équilibre, là, il y aura une harmonie totale à travers le système solaire. Et non seulement ce sera sur le plan physique, mais ce sera sur tous les plans, le plan social aussi bien que le plan spirituel ou plan psychique. À long terme, à très long terme, toutes les planètes ont tendance à se rapprocher du Soleil leur giration, justement, jusqu'à y être absorbées. Oui, parce qu'ils émanent toutes du Soleil. Oui. Toutes du Soleil. Dans combien de temps est-ce qu'on pronostique ça pour la Terre, qu'elle va se fondre dans le Soleil? Le premier événement probant qui va se présenter, c'est peut-être à la fin du siècle. À la fin du siècle, quand il y aura ce retour, ou presque à la verticalité de la porte de la Terre. Et là, les terres du Nord descendront. C'est à ce moment-là que ça va arriver. On parle du retour du Christ, mais c'est pas du Christ, c'est la conscience solaire. Le retour de l'influence solaire. C'est comme ça qu'on doit l'interpréter. Autrement, ça n'a pas de sens. Hein? Alors, le retour de l'influence solaire en direction de la Terre, ça, ce serait le commencement d'un nouveau cycle. Oui, il y aura un chambardement aux endroits où il y aura la centrifuge, hein, à l'époque de la chauffe. Nous, la période de la zone tempérée et les ondes glaciales sont mobilisées. Il faudrait que ce soit comme ça. Quel serait le climat du Canada à ce moment-là? Tempéré, oui, à travers tout le Canada. Comme toutes les parce terres. Ça sera véritablement vertical au lieu de faire ce mouvement-là. Et toutes les terres vont se retrouver autour de la ceinture de l'équateur. Oui, justement, oui. À la ceinture équatoriale possédera toute la vie. Mais ça peut briser une fois. À l'origine, c'est ça, ce qu'on appelle Théa, c'était la Terre, tous les continents étaient rassemblés. Étaient rassemblés, oui. Ouais. Alors oui, on a... Et ça revient donc dans cette position-là. Ça va revenir dans cette position. Ça revient tous les 25 000 ans. Les anciens éphémérides, enfin si on peut les appeler des éphémérides, les cartes géographiques du temps, ou astrographiques, qu'il faudra que cet état-là reviennent de nouveau. Et c'est le début de ce retour à l'harmonie du système solaire, du royaume des cieux, comme on l'appelle. Ce sera vers la fin du siècle, le premier mouvement va se faire là. Quand Soter viendra en prééminence, le soleil sera en ligne directe avec toutes les autres planètes en ligne directe. Ça, c'est le rassemblement, le rapprochement des planètes. On en a parlé beaucoup aussi. Un canon cosmique. Ben justement. Alors, là, on aura de l'harmonie dans le système solaire, ça durera pour tout un millénaire, ou 2160 ans, un mois solaire. Ouais. Alors, ça arrive graduellement. Puis de plus en plus, les sociétés scientifiques, NASA, par exemple, commence à introduire des notions de ça. Ouais. Alors, il est temps qu'on prenne ça au sérieux. Ouais. Puis aussi, on commence à avoir infiniment plus de renseignements au sujet de la Terre creuse. Et ce qu'il y a au centre de la Terre. Et Alexandre, qu'on prenne cela ou non au sérieux, qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on peut... Ah non, il faut la subir, c'est tout. À soi d'être témoin, puis d'être dans une situation grave, c'est pas d'être englouti dans... L'âge de Noé des temps modernes, est-ce que ça va être les cosmonautes? Les seuls survivants qu'il pourrait y avoir dans ce genre de cataclysme. Mais on nous dit que des célestes vont surveiller à ce que ceux qui sont méritoires, qui méritent de faire partie de la nouvelle race, seront... Figé, puis retenu. Enlevé, puis retenu. C'est dans la Bible aussi, ça? Mais certainement, mais oui. Comment est-ce que c'est dit dans la Bible, ça? De deux qui seront au champ, oui. L'un sera enlevé, l'autre restera, c'est ça? Oui, c'est là fantastique, ces choses-là. Alors, comme on parle de la Bible, on doit parler de la Bible aujourd'hui, le sens caché de la Bible. J'avais pensé tout à l'heure, en faisant un vieux bouquin, que un nommé Church... Juge Sherwood a écrit un livre dans lequel il mentionne au tout début que la religion, c'est-à-dire l'aspect religieux de la planète, de la Terre, ne provient pas de la Bible, mais c'est la Bible qui vient de l'instinct religieux. Hein. La Bible est le résultat de l'instinct religieux, et non pas l'inverse. Alors notre bonhomme, le juge Sherwood, bâtit sa thèse sur ça, que la Bible n'est que le résumé de la pensée religieuse faite par 66 différents auteurs au sujet de ce qui se passe sur le plan supérieur. Alors, c'est la première remarque que je voudrais passer au sujet de la Bible, du sens caché de la Bible, c'est que c'est une série de chroniques qui ont été ramassées, compilées au sujet de tout ce que l'homme a pensé vis-à-vis des plans supérieurs d'être été. Bon, alors, On dit la Bible elle ne vient pas du moine, ni le moine vient de la Bible. Et la Bible, c'est simplement le résultat de toute la pensée religieuse, non pas la source de la pensée religieuse. C'est ça qui cause bien des erreurs d'interprétation au sujet de la Bible. Alors, si on veut interpréter la Bible comme ça, comme étant une encyclopédie, alors on puise dans les renseignements que nous sommes donnés pour dire que ça coïncide avec les faits véritables. Maintenant, les deux grands antagonismes qu'on retrouve toujours dans la Bible, Dieu et le diable ou Satan, oui, etc., ça représente quoi, ça, aujourd'hui, pour un esprit moderne? Ce sont des figures de langage. Mettons, Dieu, c'est Théon, c'est le mouvement universel, hein, c'est la vie. Bon, mais si on veut l'anthropomorphier, créer Dieu à notre image, on peut lui donner toutes sortes de couleurs que l'on veut. Dieu, c'est le mouvement. On ne peut pas le définir, ni... Alors, on a... Toujours le pour et le contre dans ça, l'actif et le passif, le mâle et la femelle. Alors il y a une tendance à l'accélération, puis l'autre, il y a le break, c'est le diable ou... Exactement, oui. C'est deux forces qui s'affrontent. Oui, on dit diable, diabolos, qui est mis en entrave, qui est de travers, n'est-ce pas, diabolos, posé de travers. Alors ça, c'est... Ce sont des lois, en fait. Ce sont des lois, oui, puis on les a défiées, on les a personnalisées en créant un Jéhovah et un Lucifer. Bon, alors c'est les deux forces en antagonisme, mais ça demande l'antagonisme pour créer du mouvement. Autrement, il y aurait... Ça prend une résistance. Ah, il faut une résistance. Alors, le mot diabolos veut dire résistance, entrave, possiblement. Alors, ces deux forces-là, le mouvement et l'arrestation, et le conditionnement du mouvement, ce sont les deux forces primaires. Ouais. Le pôle, les deux pôles... Mais c'est nous qui avons décidé que l'une était positive, l'autre négative, mais... Oui, dans le sens négatif, c'est-à-dire, la vie n'est pas la négation c'est-à-dire, n'est pas de négation. La vie, c'est une affirmation continuelle. Une progression continuelle. Et l'arrestation de vie, on pourrait dire que c'est une négation dans le sens que c'est une arrestation du mouvement universel ou du mouvement primordial. Mais une loi en elle-même n'est ni négative ni positive. Non, pas du tout, non. Une loi, c'est un mouvement universel. Comme la loi de gravitation, par exemple. Heureusement, là, c'est en opposé, la loi de lévitation également. Alors, c'est simplement un changement de polarité. Lévitation et gravitation, c'est un mouvement dans une direction. Et si on regarde la planète, ce qui lévite dans l'hémisphère septentrional, ça gravite dans l'hémisphère méridional, tout ça. Alors, il n'y a pas de sens de direction dans l'espace, et le temps se trouve être neutralisé par l'espace lui-même. Bon, alors, ce sont deux antagonistes que l'on voit dans tout. Autrement, il y aura une stase complète, continuelle, incessante. Il n'y aura pas de vie. La vie, c'est l'absence de mouvement. Le mouvement, c'est la friction. Ouais. Alors, mais on les a personnalisés en créant un Yahvé, un Jéhovah qui est un mâle femelle, un mâle femelle positif négatif, et un Lucifer qui cherche à émanciper l'homme de toute cette dualité pour atteindre l'unité. Ouais. Alors, est-ce qu'on a besoin de témoins de Jéhovah, des témoins de cette loi-là? La loi en elle-même, elle n'a pas besoin de témoins pour se manifester. Bien, n'est-ce pas, c'est mon mari qui doit s'occuper de vous, puis ils ont dû déguerpir. Hein? Ah oui. C'est bonjour, il y a un bien d'autres aussi. Ça, c'est une inside joke. Là. Tout à l'heure, à table, on racontait une histoire que lorsque les témoins de Jéhovah arrivaient chez vous, par exemple, pour vous dire « on vient pour la bonne parole », vous pourriez toujours dire « ben, vous tombez bien, mon mari est justement là et vous attend pour vous la donner ». C'est ce que Alexandre fait. On continue. La terre-mère de Moukouli, en général, et Canaan, ou la vallée de Xion, en particulier, constituait la Terre Sainte dans cet ancien temps. La Palestine ne devint connue comme la Terre Sainte qu'après les premiers Lémuriens perdirent leur identité comme telle, émigrèrent en Atlantide et subséquemment après le déluge devinrent les tribus perdues d'Israël. Mais même la Palestine ne fut jamais aussi sainte que la Terre Mère durant la première période de son existence. Seule la Terre Mère restaurée comme une nouvelle terre dans le Pacifique, lieu de paix, réussira à focaliser la puissance divine inhérente en pureté et en rectitude. Voyez-vous, mon ami, le continent à venir, le continent du Pacifique, ce sera tout simplement toutes ces îles qui sont maintenant en émergence, résultat de l'ensevelissement de ce continent-là. Alors ça, ce sera le nouveau continent. Par exemple, simplement l'Amérique telle qu'elle existe aujourd'hui, y compris l'Amérique latine, mais tout ce continent du Pacifique. Ressortira avec toutes ces îles. Et là, ce sera le nouveau continent. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie de certains clairvoyants ou ésotéristes ou métaphysiciens qui affirment que la Lune faisait partie de la Terre et qu'elle a été éjectée à partir justement de ce qui est aujourd'hui l'océan Pacifique? Décidément, oui, Wegener en parle. Oui, Tavernier, dans l'âge de la Terre, en parle aussi, puis avec beaucoup de preuves à l'appui. Oui, la Lune est une déjection, on l'a constaté dernièrement quand on a rapporté des spécimens du sol, n'est-ce pas, qu'on avait la même chose sur la Terre. Alors, ça devait être une surprise pour les gens qui ont analysé ça. Justement, mais c'est la même chose qu'on a chez nous, absolument la donc même chose. Donc ce serait un morceau de la Terre décroché. Exactement, oui, qui aurait été éjecté. Fragmentairement, ça peut avoir été fragmentairement, pas seulement d'une seule pièce, hein, par la force centrifuge. Hein. Oui. La Terre tourne, alors la force centrifuge aussi bien que centrifète. Et ce qui fait la courbe de la Terre, c'est sa force centripète qui a tiré ce qui venait d'autres corps célestes. Hein. Alors cette courbe terrestre, à la surface de la Terre, dis-je, de 30 000, ce n'est que le résultat d'accumulation de poussière cosmique éjectée par les autres plans d'être-té. Alors, c'est ça qui fait la croûte terrestre de 30 000 à ce faire que nous vivons. Bon. Alors, la même chose est arrivée pour la Lune. D'abord, c'est simplement de poussière cosmique, de poussière terrestre qui a été éjectée graduellement et qui, en tournant, en girant, a pris la forme sphérique, ce qui est une voie naturelle aussi. Alors, la Lune provient de la Terre, le Soleil provient de... On voit un déplacement des civilisations vers l'ouest, autrement dit de l'Europe à l'Amérique, et là ce serait logique, de physiquement, physiquement c'est logique aussi, ouais. C'est sûr comme ça. Oui. Alors pourquoi habitez-vous à Sainte-Julienne et pas dans le Pacifique? j'espère y aller, je ne parle pas pour ça. Si c'est la prochaine terre qui doit ressurgir. Ah, oui. En Arizona, là. Oui, vous devriez déjà être installé au Pacifique au moins. Oui, ce serait beau par là. Je pense que le mois de décembre... Savez-vous qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde très sensibles aujourd'hui qui ont des projets justement d'habiter les îles du Pacifique, etc. Je suis largement de... C'est instinctif, ça. Ah, mais oui, c'est comme une... Alors, le commence à être conscient qu'il va avoir un changement, qu'il doit avoir un changement et qu'elle-même doit changer de résidence. Ouais. Oui. D'ailleurs, la Terre a été colonisée parce que des résidents d'autres planètes appréhendaient que la vie n'était plus soutenable sur leur planète. Alors, ils ont hominisé la Terre en vue d'être dans des meilleures conditions de vie. Il y a donc eu une migration, des migrations successives. Plusieurs migrations. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train justement de faire la même chose? Exactement, on a fait le premier pas sur la Lune, et de la Lune, c'est ce qu'eux ont fait, n'est-ce pas? Ils ne sont pas venus directement sur Terre, ils sont établis sur la Lune, et ils ont fait six exodes pour coloniser, conditionner, et avant de dominiser la Terre. Alors, Moïse est bien précis dans ça. Les six jours de la création. Ah, c'est Moïse qui parle. Ah, ok, d'accord. Oui, je pensais que c'était Alexandre Lachance qui avait le souvenir de ça. Je n'ai rien que ça. Je mérite d'accepter que... C'est Moïse. Moïse. Bon, Moïse, au Charpice. On l'appelle au Charpice. Il n'habite pas Saint-Judienne. Non. Ils vont garder son souvenir. Oui. Alors, tout ça, ça se répète depuis des millénaires, des éons, on devrait dire. Une... planète en colonise une autre quand elle est plus viable, parce qu'on est en train d'épuiser les sources vitales de notre planète, de la polluer, alors il va falloir déménager. Quand on lit la Genèse et qu'on voit le travail qui a été fait par l'Elohim ou les Elohim, est-ce qu'on n'est pas, nous, à l'aube technologiquement de pouvoir réussir la même chose avec Vénus, par exemple, qui est une atmosphère? Oui, c'est exactement ce qu'on va faire. On a beau dire que les conditions sont pas viables, c'est faux. Alors, c'est exactement ce qui va arriver. Mars par la suite, mais ce sera certainement Vénus. Puis sur la Lune, on a trouvé les conditions favorables pour faire des expéditions. Puis bientôt, on pourra faire des maisons d'habitation desquelles on pourra procéder pour aller plus loin. Alors, si on fait déjà, on considère faire des centres d'habitation provisoires avant de poursuivre notre chemin vers Vénus. On revient sur Terre. Ah oui. Seule l'édification de la Nouvelle Jérusalem, qui n'est que la désignation biblique pour le Nouveau Pacifique, c'est intéressant ça. Oui, ben justement, Jérusalem, air de la paix. Demeure de la paix. Oui, Shalom. Pacifique. Oui, oui. Oui. Ouais. Donc, seule l'édification de la Nouvelle Jérusalem, qui n'est que la désignation biblique pour le Nouveau Pacifique, issue des États-Unis d'Amérique, sera témoin de la restauration de l'ordre mercurio-vénusien divin. Bon. Alors, vous voyez le cheminement du Soleil, Mercure, Mercure, Vénus. Il parle bien de Lune, la Terre. Alors, ça va se faire à travers tout système solaire. Ce sera véritablement le royaume des cieux, ce sera une seule famille. Il faut que je relise un peu ça. C'est la synthèse de tout le cheminement de l'âme dans le système solaire. Ça demeure sur tout le système solaire. Donc, seule l'édification de la Nouvelle Jérusalem, qui n'est que la désignation biblique pour le Nouveau Pacifique, issue des États-Unis d'Amérique, sera témoin de la restauration de l'ordre mercuro-vénusien divin comme le royaume anticipé du Christ sur Terre. Telle est l'hypothèse de cette conception théochristique nominalement, prenant pour acquis le même continent sur une terre nouvelle et le même peuple réincarné en une phase avancée de l'évolution humaine. Il sera restauré à cette planète un sens de rectitude et une qualité de sainteté qui libérera les derniers Israélites, lémuriens atlantéens, de leur obligation de restitution. En aucune autre façon est-il possible de comprendre la pleine signification du message chrétien. Justement, non seulement le message chrétien, mais du sens de la vie également. Parce que la vie n'aura absolument aucun sens, ce serait un accident cosmique, il n'y a aucun accident, aucun hasard dans la vie. Alors tout est programmé, prémédité, et c'est séquentiel. Alors ce qui arrive dans le système solaire, c'est arrivé ailleurs. Le système solaire, il y en a plusieurs dans notre galaxie, n'est-ce pas? Alors, ce petit grain de poussière qui est dans la Voie lactée, alors subira le même cheminement que tous les autres. À travers toute cette mécanique rigoureuse et ces cycles-là, il y a une acquisition qui se fait, là, au fur et à mesure. C'est une expansion de conscience. C'est la conscience. Là, il y a une conscience purement terrestre, hein? Il est limité au sol. Alors là, il y a un engagement la conscience. L'hyperespace, c'est la conscience vénusienne, la conscience solaire. Alors là, il dira, je me sens chez moi, dans tout le système solaire. C'est mon habitat. C'est-à-dire que d'un stade d'inconscience, on passe à un stade de conscience. L'expansion de la conscience, c'est l'expansion de la conscience spatiale également. Est-ce qu'on peut parler de supraconscience à ce moment-là? Oui, l'hyperconscience, justement, la supraconscience, oui. Conscience solaire, ça désigne la même chose. Solaire, la solidification, l'élimination. Parce que l'homme est un être solaire, définitivement, engrossé dans de la matière, c'est ça, oui. Alors, c'est l'expansion de la conscience et l'extension de la conscience dans l'espace. Et l'espace, c'est un état d'esprit également, mais un état d'esprit universel. Dans le moment, il est localisé dans l'individu. Son sens d'espace est limité par sa vision. Mais en réalité, l'espace ne diminue pas à mesure qu'il regarde dans l'infini. C'est simplement sa conscience qui est limitée par l'infirmité de ses sens. On doit aller de l'alpha à l'oméga, mais on est seulement au stade du bêta. Du bêta, oui. Alors, Jacques me dit deux fois, il y a trois alphas. Ouais. Alors, cet alpha, il faut le trinifier. Alors, quand on aura établi l'harmonie dans les trois plans de notre être, corps, âme, esprit, on sera véritablement l'alpha qui est unifié avec l'oméga. C'est le queue du serpent, le Ouroboros. Ouais. Durant cette année sabbatique, l'activité principale se centralisait dans le domaine de l'avancement éducationnel et culturel du peuple. Les lois cosmiques telles que données par Terre, Jéhovah, à travers les maîtres de Vénus et de Mercure, étaient présentées et enseignées par les hiérophantes des écoles sacrées établies à cette fin. Ces lois étaient interprétées de manière à ce que les esprits les plus primitifs puissent les comprendre. Vous observez, n'est-ce pas, que le nom de Jéhovah était autrefois Terre, hein? Bien des endroits, on emploie le terme Terre au lieu de Jéhovah. Et c'est rien que dans un certain temps qu'on a dit que c'était simplement un synonyme pour Jéhovah, Yahvé. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, les hiérophantes des écoles sacrées? Oui, ça c'est les mystères de l'Isis et tout ça, en Égypte. Ouais. Les hiérophantes des conférateurs de sainteté, ceux qui enseignent les choses spirituelles. Oui, le mot hiérophante veut dire ça, conférateur de sainteté. Okay. Hieros, oui. La réciprocité ou la compensation était la loi de la vie telle que révélée par les détenteurs de l'autorité. Tel qu'il aura fait, ainsi lui sera-t-il fait. Comme on peut l'observer, ceci n'est qu'une déclaration en renverse de la règle d'or. Les semailles et les récoltes sont encore proportionnelles et l'une ne va pas sans l'autre. Quand un citoyen du Nouvel Âge déclare qu'il traitera autrui comme il souhaiterait être traité lui-même, il ne fait en réalité que réinterpréter la loi de compensation que, comme citoyen de cet ancien empire, il a pris tout d'abord comme œil pour œil, dent pour dent. On lui fera la même chose qu'il a faite à son prochain. Dans le dernier, la loi du talion. Dans le dernier cas, la loi est énoncée en termes de la punition qui sera imposée à son violateur. Dans le premier cas, la loi se traduit en termes de la récompense qui sera accordée à celui qui obéit. Différentes traductions, mais la même loi. Différents titres pour la loi unique, mais le même principe. Un aspect positif et un aspect négatif. Une négation, une promesse de récompense. Alors, si on a choisi entre deux modes de motivation, c'est la promesse de récompense qui est plus efficace, n'est-ce pas? Parce qu'elle donne plus de motivation. Durant l'année sabbatique, tout débit était repayé ou annulé, selon les circonstances financières du débiteur. Aucune nouvelle dette ne pouvait être contractée. Étant une année sacrée, les exigences financières devaient être allégées, de sorte que le peuple pouvait participer au maximum à toutes les activités éducationnelles et récréatives. Et quelle devait être la récompense pour l'adhérence de l'homme à cette procédure? C'est dans le Lévitique que nous trouvons la réponse. Vous exécuterez donc mes statuts et maintiendrez mes jugements et y adhérerez, et vous demeurez en sécurité dans le pays. Et la terre fournira ses fruits, et vous mangerez à satiété, et vous y serez en sécurité. Et si vous alliez dire de quoi nous nourrissons-nous durant la septième année, voici, nous ne sèmerons ni ne récolterons de moisson. Alors je prodiguerai mes bénédictions sur vous tout au cours de la sixième année, et il y en aura suffisamment pour 3 ans, et vous sèmerez la huitième année et bénéficierez de l'ancienne récolte jusqu'à la neuvième année, jusqu'à ce que ces fruits soient et fassent leur apparition. Vous vous alimenterez de la vieille réserve. C'est ce qui est arrivé en Égypte, n'est-ce pas, quand Joseph a parlé de ces périodes de cette année d'abondance et cette année de disette. Il mettait uniquement en opération une loi qui prévalait depuis longtemps. Je le cas bien. Alors, fourni des denrées pour toute l'Égypte pour une période de 7 ans, qu'on appelle la période des 7 vaches grosses, pour pouvoir, durant les périodes de 7 vaches maigres, hein, interpréter comme ça veut dire qu'il a prévu ça. Alors, c'était des périodes de 7 ans. Hein, la 7e année sabbatique, c'est une aussi des denrées accumulées par les années précédentes. Alors, il y a plusieurs narrations semblables dans les Upanishads. Hein. Alors, l'histoire de Joseph et de sa sagesse, comme administrateur, n'était pas unique. De ces versets, nous apprenons qu'au cours d'au moins une année sur 7, l'homme n'est pas requis de gagner son pain à la sueur de son front. Si l'homme, pendant 6 ans de travail honnête, en vue de l'extension de la production des affaires de son père, c'est-à-dire œuvre pour parachever le processus évolutionnaire, son père lui fournira une année de provisions dérivant de l'entrepôt prolifique de la nature. Si vous alliez demander pourquoi Dieu ne fournit pas toutes les nécessités de l'homme sans effort de sa part, c'est une bonne question, nous ne pourrions que répondre que c'est contraire aux lois de Dieu, telles que nous les connaissons, d'acquérir quoi que ce soit de rien pour rien. Oui, alors, c'est la vieille action, aide-toi, le ciel t'aidera, hein, sachant que tu fais ton effort. Alors, ces gens-là étaient sages. Non pas au point de vue de leur comportement individuel, mais au point de vue du comportement collectif aussi. Et c'est pour ça que cet enseignement est si précieux, puis c'est important de le raviver, de le remettre en vedette, en relief. La précipitation de la substance procède de la libération de l'énergie. Le service génère la richesse. Servir est le privilège et le droit de l'homme. Servir en créant est la plus haute prérogative de l'homme. Est-ce que vous voulez commenter ça? La précipitation de la substance procède de la libération de l'énergie. Justement, la substance, c'est tout ce qui est nécessaire au maintien de la vie. Alors, le fermier ensemence la terre pour produire des denrées alimentaires. L'artisan, dans tous les domaines, produit également des choses nécessaires à son confort. Alors, cette énergie qui est dépensée produit la substance, et la substance produit des conditions viables, désirables. Alors, c'est la conversion de l'énergie en facilité viable. Créer, c'est assumer le pouvoir de Dieu, le produit final de la sagesse tempérée par l'amour. Par conséquent, créer si vous voulez être divin. Créer sagement si vous aspirez à vivre éternellement sans obligation compulsive d'incarnation physique. Si ce but n'était pas réalisable, aucune philosophie n'aurait de sens, aucun effort n'aurait de but, aucun sacrifice n'aurait de signification. Voici, on a été mis sur terre pour une fin collective, une fin individuelle, devenir de plus en plus efficace et de plus en plus utile à la collectivité et de plus en plus apte à aider au maximum de nos capacités pour l'évolution de la race. Alors la race est auto-reproductive, et il faut qu'elle soit maintenue. Alors chaque individu est responsable pour le bien-être de son prochain, et ainsi bénéficie de la collectivité, du bien-être de la collectivité, en ayant d'abord contribué au bien-être de la collectivité. Mais qu'est-ce que veut dire une phrase comme celle-ci ? Créez sagement si vous aspirez à vivre éternellement, sans obligation compulsive d'incarnation physique. Ah, voici. Si vous avez failli dans votre vie, dans la mission de votre vie, que vous n'avez rien produit, excepté pour vous-même, que vous avez piétiné la planète, que vous êtes alimenté et tout ça, mais sans aucun but, sans aucune utilité, vous devrez recommencer ce périple de vie. Vous avez vécu en vain. Vous avez vécu en parasite. Vous n'avez rien produit sauf pour vous-même. Hein? Alors là, vous avez un capital cosmique, un crédit cosmique, en fournissant des facilités de vie pour votre prochain. Vous avez un crédit cosmique. C'est là que ce chapitre du crédit cosmique entre en jeu. Hein? Vous avez semé, vous récolterez, quand bien même ça a été au bénéfice des autres que vous avez semé. Aussi remarquables que furent ces premiers lémuriens pour leur année sabbatique, ils le furent encore plus pour leur année jubilaire. Cette dernière marquait la fin d'un grand cycle de 7 années sabbatiques qui survenait à tous les 50 ans ou deux fois au cours d'un siècle. Il n'y avait pas d'observance religieuse propre à cette période, mais elle marquait plutôt un temps d'ajustement économique universel. Il était mandatoire dans l'année du jubilé que toutes les terres sous la juridiction du gouvernement mukulien soient restaurées aux familles qui étaient les occupants originaux de la propriété, assumant que certaines de ces familles avaient été involontairement dépossédées de leur occupation pour une raison ou une autre. Originalement, il y avait 144 groupes familiaux de ce genre, divisés parmi 12 tribus. À tous les 50 ans, on réaffirmait la sainteté de la terre et on prenait un recensement complet de toute propriété ainsi que des personnes. Donc, originellement, il y avait 144 groupes familiaux de ce genre, oui, divisés parmi 12 tribus. Dans la Lémurie, ou dans la Lémurie ancienne, hein, c'était comme ça que c'était subdivisé. Il y avait 12 groupes qui faisaient la population de tout le continent dans le temps. Et c'était géré de manière à ce que les rejetants puissent bénéficier des acquisitions de leurs parents. Alors la terre n'appartenait qu'à ceux qui avaient contribué à son bien-être. C'est ça que notre auteur veut dire. Tu compteras aussi 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, et les jours de ces 7 années sabbatiques feront une période de 49 ans. Puis tu feras retentir le son de la trompette le 10e jour du 7e mois. Le jour des expiations, vous ferez sonner la trompette dans tout votre pays. Vous sanctifierez la 50e année et vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. C'est le jubilé qu'on célèbre encore en Télévie. Hein? On a restitué cet ordre-là, que le jubilé doit être célébré tel qu'il était auparavant. Alors, c'est une coutume qui est multimillénaire. Hein? Alors, ce jour-là revient de plus en plus. Et l'Israël est en train de rétablir cet ordre de choses-là. Ou du moins donner l'exemple que ça soit rétabli à travers toute la planète. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous rentrera dans sa propriété et chacun retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point et vous ne moissonnerez point ce que la terre rapportera d'elle-même et vous ne vendangerez point ce que la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Oui. Il vous sera sacré, vous mangerez le produit de vos champs. En cette année de jubilé, chacun de vous rentrera dans sa propriété. Ça, c'est dans le Lévitique. Tout ça. Dans le Lévitique, justement, oui. C'est remis en vigueur ça, à Tel Lévi et dans parmi toute la lignée d'Israël. Donc, ceux qui ont formulé ces lois là, pour les Hébreux avaient une connaissance parfaite de l'écologie de la terre. Définitivement, ouais. Oui, de l'écologie, le terme s'applique dans toute son authenticité. L'équilibre de l'écosystème. Tout ça, oui. Alors là, c'était une vie véritablement collective, c'était pas des petits groupes d'individus qui visaient chacun à sauvegarder leur autonomie. Hein. Quel était le but de ce moratorium semi-séculaire? Qu'aucun de vous ne fasse tort à son prochain, dans le Lévitique. Tu ne tireras de lui, ton frère, ni intérêt ni profit. Tu ne domineras pas cet homme avec dureté. Ceux qui prétendent que l'économie ne joue aucun rôle dans l'étude philosophique ou morale sont inconscients que la loi cosmique de réciprocité, de compensation et de restauration est primairement une loi économique et que celui qui opprime son prochain en exigeant de lui un labeur forcé est aussi coupable de blasphème que celui qui nie ouvertement l'existence de Dieu. Ce serait peut-être hasardeux de dire que la base de toute religion est une philosophie d'économie. et ce n'est pas exagéré. L'économie impliquant la justice de distribution. Car toute religion est basée sur la sécurité, non seulement sociale, morale et individuelle, mais basée aussi sur la survie. Hein? C'est une bonne gérance du patrimoine planétaire. Exactement, du patrimoine planétaire, oui, le terme s'applique. Hein? Alors, la religion, c'est simplement relier toutes ces choses-là pour en faire une écologie collective. Porter un débit financier ou karmique de génération en génération, dans un sens national ou racial, est aussi économiquement faux que de poursuivre une dette financière ou karmique d'incarnation en incarnation, dans un sens individuel ou personnel. La crise du monde moderne est le résultat direct d'atermoiements karmiques. En d'autres termes, le retard de la rectification des mécréances, à la fois par les individus et la société collectivement, après qu'une méthode avait été fournie par un gouvernement prévoyant et bienfaisant afin de prévenir l'accumulation dévastatrice de l'obligation. Justement. Alors, si on est toujours sous la menace de l'épée de Damoclès, pour employer l'expression consacrée, alors on ne peut pas prévoir. Et on n'ose pas prévoir, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, n'est-ce pas? Alors, l'équation karmique vise à déterminer qu'il n'y a pas d'obligation qui menace la sécurité future, aussi bien que présent, des individus, aussi bien que des collectivités. Ça a existé depuis tellement longtemps que là, on ne le prendra jamais trop. Hein? Alors, c'est la sécurité collective, aussi bien qu'individuelle, qui doit être établie à travers toute la planète. Et en suivant cette méthode-là, des lois mosaïques, hein, qui datent de très loin, là, on peut éviter ces désaccords-là, à travers toute la planète, et rétablir l'ordre à travers toute la planète, l'ordre économique, l'ordre social. En acceptant le principe de réciprocité comme la loi de notre propre être, il nous est possible automatiquement et convenablement de compenser pour nos erreurs aussi rapidement qu'elles sont commises. Dès que nous apprenons que chaque erreur comporte en elle-même la semence de sa propre rectification, nous pouvons coopérer avec la loi en plaçant cette rectification sur une base volontaire, faisant ainsi restitution à notre choix, tel que nous sommes incités par l'esprit d'amour. C'est la réparation karma, naturellement, dès qu'on en reconnaît l'existence. C'est se libérer de toutes ces obligations qui pèsent sur nous dans l'avenir. Alors, il faut d'abord le reconnaître, regarder face à face. Ensuite, ça, les réparer dans la mesure du possible. Et naturellement, on prend la résolution de ne jamais se comporter de manière à créer des dettes, comme ça, qui sont insolvables par la chute. Cite un passage de Luc ici. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne désormais aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué de l'argent à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée est un exemple classique de la perception de l'homme moderne de cette grande vérité. Zachée, au fait, l'a reconnu, car nous apprenons dans Luc. Il se demande, mais qui s'adapte tout ça, oui. Par cette déclaration, il nous est permis de reconnaître les implications de ces incarnations qui peuvent être retracées jusqu'au temps où l'ordre divin gouvernait la terre-mère, lémurienne. Alors, ça, c'est le but ultime de tout cet enseignement. C'est le dernier qui est mis à la portée du public, select, mais ça a toujours été enseigné, à bon temps rompu parfois, mais par toutes les écoles d'initiation, par toutes les religions, de rétablir l'ordre à la surface de la planète, dans des groupes aussi bien que dans les collectivités, parmi les nations, aussi bien que parmi les clans et les familles. Alors quand cet ordre-là est établi, c'est le royaume des cieux, évidemment. Par conséquent, Jésus-Christ, un descendant direct des fils de Dieu, tel que mentionné dans la Genèse, est une réincarnation de Josué, fils de Nun. Dit à cet homme Zachée, « En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc. Ceci est habituellement interprété comme signifiant les tribus perdues d'Israël. Toutefois, cela pourrait aussi facilement signifier l'ordre divin de Melchisédek ou la communauté lémurienne. Oui, c'est ce qu'il voulait dire, c'est entendu. Alors, si on se met bien, on devient bien conscient que cet état de vie existait auparavant et qu'il doit réexister, se rétablir de nouveau avant qu'il puisse avoir de l'ordre et de l'harmonie sur la Terre, l'on comprendra la rationale de tout cet enseignement. C'est aussi un peu instinctivement que l'homme attend donc un retour messianique, parce qu'il a aussi le sens que... Il faut que quelqu'un vienne chercher et sauver ce qui est perdu. Justement, effectivement. Oui. Mais comme l'ère messianique, c'est le retour de la conscience solaire, la conscience d'irradiation solaire. que l'homme réalise qu'il est véritablement un être de feu, un être de lumière, et que sa fonction, c'est d'irradier la vie tout alentour pour le bien-être collectif. Et on perd cette conscience-là de nos origines au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, donc exactement. Qu'on passe de l'unité au multiple. Justement, oui. C'est l'égocentrisme qui est la cause de toute cette paralysie. Voilà. La personnalité plutôt que exactement, la personne. Exactement, le masque, oui, le masque. S'il vous est possible d'accepter ce dernier postulat comme une vérité cardinale, alors la restauration de l'ordre divin de l'ancien monde doit reposer sur la réincarnation des citoyens perdus qui jadis vivaient sous ses bannières. Cette restauration est maintenant en progrès tel que prophétisé dans les actes. Avec ces citoyens perdus se réincarnant pour la plupart dans la... Elle appartient exclusivement et symboliquement à son Créateur et est assujettie aux lois cosmiques qui lui ont donné existence. Dans l'ancien monde, la Terre-mère lémurienne avait originalement été divisée de manière à fournir des espaces agraires et de pâturage pour 144 familles numériquement dispersées entre 12 groupes de tribus en 12 vallées. Bien que la Terre puisse changer de main dans une génération quelconque, elle ne pouvait jamais être vendue et à tous les 50 ans, il devait y avoir un bilan général et une reconnaissance des héritages. Conséquemment, on admonestait les gens comme suit. Tu ne déplaceras point les bornes de ton voisin posées par les ancêtres dans l'héritage qui te sera échu au pays que va te donner en partage le Seigneur ton Dieu. En d'autres termes, tout citoyen lémurien avait droit à un foyer permanent, qu'il désire l'occuper ou non. Ce foyer était sa garantie de sécurité sociale fondamentale. Ce serait peut-être plus difficile aujourd'hui avec 4 500 millions d'habitants. Justement, oui. Dans le temps, il y avait 144 000. Hein? Alors, c'était divisé dans un territoire plus restreint. Hein? C'est donné ce plan comme modèle d'une situation idéale. Oui. Bon, ce serait beaucoup plus compliqué. Il est désirable qu'il y ait un retour à cet arrangement original parmi ces citoyens qui doivent restaurer l'ordre divin dans le nouvel âge. Pour exécuter convenablement cette restauration, il doit y avoir une base d'opération. Cette base est située principalement dans l'arrondissement de l'extrême occident des États-Unis et principalement dans la base méridionale de la Californie et sur des terres en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Colorado et dans l'Utah, qui offre plus de protection à ceux qui doivent survivre aux changements géologiques le long de la côte du Pacifique. Justement, alors particulièrement dans l'Arizona, dans le Nevada. Là, c'est là que je vais avoir un relèvement du continent et proportionnellement un abaissement des alentours. Et la cordillère des Andes va se relever également pour assurer plus de protection. Alors ça va être la terre d'élection. Alors tout ça... Il y a un très grand nombre parmi nous qui vont en être témoins. Hein. Ça va arriver graduellement, mais définitivement dans une période assez limitée. À mesure que de nouvelles terres surgiront des profondeurs de l'océan, entre la zone costale et les îles hawaïennes, qui deviendront de nouveau le centre de la civilisation dans le Nouveau Monde, l'avant-garde de la prochaine grande race aura l'opportunité, l'honneur et la responsabilité d'établir le prototype de l'ordre divin qui doit être restauré sur Terre en accord avec le plan des frères aînés. Oui. C'est difficile à croire que des terres de type peuvent ressurgir, mais c'est un fait reconnu. Dans les mers du Sud, on voit des terres, des îles réapparaître, d'autres disparaître. Ça, depuis longtemps, l'abbé Termier, dans l'âge de la Terre, les phénomènes géologiques relatent ça. D'ailleurs, les océanographes ont constaté ça aussi. Alors, il n'y a rien d'improbable dans ça, c'est un fait. C'est qu'il est constaté, confirmé par les événements du passé. Alors là, ça va être sur une plus grande échelle. Et ça va être justement ce point central où il y aura la résurgence de cette nouvelle race. Dans deux semaines, là, ça va être le symposium initiatique oui. Dont le thème est Québec cosmique. Ah, vous allez nous parler un peu peut-être du Québec dans oui. Ces bouleversements, oui. L'émancipation de la conscience. Mais vous, Québec est privilégié, c'est une zone tempérée, puis on a un roc assez graniteux. Alors, il va y avoir des choses étonnantes, mais des choses bienfaisantes, parce que le Québec est définitivement protégé. On a les grands lacs, on a le fleuve Saint-Laurent, puis tous les tributaires, le Saguenay, Richelieu, tout ça. Alors, c'est riche au Québec, riche en fait, possibilités aussi, ouais. Et de sécurité. Alors ça va être un peu le thème de votre conférence, oui, justement, au oui. symposium. Oui, oui. On vous y invite, venez-y, ça va être intéressant. Ça va être justement le temps du changement, la transition entre l'ère du poisson et du verseau qu'on va voir entre le Kali Yuga et puis l'âge d'or. Exactement, l'âge d'or, oui, et l'âge d'or, oui. Aucun endroit au monde ne convient mieux à ce grand œuvre que l'immense territoire à l'ouest des États-Unis. Ici, le désert, les montagnes et la mer se rencontrent en une intimité amicale. Mais contrairement à la Terre Sainte des temps modernes, il n'y a pas d'inimitié raciale et aucune aspiration nationalistique. Vous auriez pu dire nationaliste aussi, ça aurait fait. Oui, mais mon français n'est pas 100%. Des fois, je pense en anglais, puis je parle en français. Ça m'arrive. Et quand j'écris, je renverse de l'âge souvent. Ouais. La mer morte est devenue la mer Salton, le désert syrien, le désert Mojave, et les sommets de Sion, les montagnes altières de la Sierra Nevada. Ici, dans cette nouvelle terre, sanctifiée par des gens si nobles tels que les Hopis de l'Arizona, nous pouvons anticiper l'avènement d'un nouveau mode de vie qui puisera lourdement sur la science atlantéenne et la moralité lémurienne. Les Indiens Hopis, regardez comme l'héritage qu'ils ont, hein, ancestral, c'est incroyable. On s'intéresse beaucoup à cette culture-là aujourd'hui. Oui, oui. Ils se souviennent, hein, ils ont traduit ça de génération en génération. Ce sont les descendants des Atlantes, là. Définitivement, oui. Ils sont encore conscients de leur ancestralité. Oui. Lorsque l'Atlantide a été engloutie, il y a eu plusieurs rameaux qui ont immigré sur différents points du globe. Oui, justement, il y en a eu 7. D'ailleurs, l'Atlantide était engloutie en 3 périodes différentes. C'était d'abord Deïtia, Réuta, puis le dernier, c'était Poséidon. Alors, Poséidon s'est réfugié en Égypte, hein, en la Haute-Égypte, alors que les autres sont ramifiés dans la mer du Sud. Alors, et c'est pour ça qu'on retrouve ces pyramides des deux côtés, à l'est et à l'ouest. Identiques, oui. Identique. De l'Atlantique, oui. Autant en Égypte qu'au Mexique. Absolument, oui. Church Ward a bien précisé ça. Les mêmes hiéroglyphes que l'on trouve en Amérique centrale, ben dans l'Arizona, on les trouve en Égypte également. Voilà. Alors, on voit que les localités ont changé, mais non les peuples ni leur destin. Nous réalisons que cette traduction lémurienne de la Bible en est une dont les implications sont aussi avancées que la reconstruction de la vie humaine sur cette planète. Voici, toutes choses seront renouvelées. Par cette déclaration, Paul veut dire qu'une transformation totale du monde des affaires humaines, telle que nous connaissons le monde aujourd'hui, est inévitable. Voici ce que nous voulons dire. Reconstruire le monde tel qu'il existe aujourd'hui, en maintenant le complexe de puissance d'une humanité divisée, c'est reconstruire ses torts également. Dans cette conception théocristique, nous postulons un nouveau monde, une nouvelle terre, une création complètement nouvelle. Un vieux monde reconstruit, révisé et replâtré est encore un vieux monde et ne saurait jamais être plus parfait que le patron fondamental de moralité sur lequel il est érigé. Dès que vous devenez conscient de votre divinité, vous êtes une créature nouvelle. Et dès que vous êtes identifié au Christ, les choses du passé sont abandonnées. Mais voici, s'il fallait reconstruire sur les ruines d'une vieille civilisation, il y aura toujours un déséquilibre en existence. Alors qu'il faut balayer pratiquement les vestiges du passé pour reconstruire tout à neuf. Ça a commencé avec, je ne dirais pas la découverte, mais la réoccupation de l'Amérique, quelques siècles, et aujourd'hui, la découverte de ce qui existait avant les temps, au temps précolombien. Alors, on fait ressortir toutes ces richesses-là et les mettre en évidence. Alors, on pourrait dire que l'Amérique est non seulement un nouveau monde, mais c'était le nouveau monde, l'ancien monde renouvellement découvert. C'est exactement ça. Alors ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, oui. Les choses du passé sont abandonnées. Est-ce qu'on va voir ça aussi dans l'héritage ancestral au niveau de la spiritualité, des religions, oui, etc.? Oui, justement. Parce que les religions sont appelées à se fusionner en une seule liaison universelle. Mon religion, c'est relier le spirituel avec le matériel. Alors, il n'y aura qu'une seule religion qui sera à bord d'esprit christique, de conscience solaire, et les petits facteurs en dissension se réconcilieront malgré eux. Ouais. N'est-il pas meilleur de reconstruire un nouveau monde avec amour et compréhension que de détruire le vieux monde avec haine et méfiance? N'est-il pas mieux de construire une nouvelle civilisation sur la fondation de la loi cosmique immuable que de reconstruire le vieil ordre sur la fondation insolite de l'opinion personnelle vacillante et les compromis légaux fallacieux? Bien que vous puissiez croire que la restauration de l'ordre divin de la nouvelle communauté mondiale ne remplit pas les exigences d'une création complète nouvelle, en même temps, ce royaume restauré du Christ est entièrement nouveau au monde moderne. Non seulement cela, mais l'expérience accumulée de la race, acquise depuis sa perte, permettra à la nouvelle citoyenneté de l'interpréter d'un point de vue beaucoup plus élevé. Quoique ses racines soient localisées dans le sol lémurien d'aspiration géovistique, ses branches se ramifient dans le ciel théochristique de perfection divine. Maintenant, on parle de l'ancienne alliance, Jéhovah, Yahvé, avec tout ce que ça implique de connaissances ancestrales. Mais depuis l'ère chrétienne, alors c'est l'enseignement christique, définitivement, qui sera l'apanage du futur. Ce n'est plus ou moins l'âge du Fils et du Saint-Esprit, l'ère du Fils et du Saint-Esprit, en préférence à l'ère du Père. Comment est-ce que vous pouvez résumer ça à l'âge du Père? D'abord, typiquement, le despotisme d'un Yahvé, hein, d'un Jéhovah, qui imposa ses pollutions par coercion. Plus tard, est venu quelques législateurs, et finalement, le Nazaréen, qui a voulu équilibrer toutes ces philosophies en dissension. Mais ça a été nécessaire qu'il y ait un âge du Père, c'est-à-dire qu'il y ait une direction qui se... Voilà une direction, c'est inévitable. Voilà, ça avec une verge de fer. Ah oui, une verge de fer. Trique, oui. C'est parce qu'à ce moment-là, d'homogénéiser toute la civilisation. Les peuples avaient la nuque raide, comme il est. Ah bah oui, c'est l'expression que moi, ils envoient. J'avais la nuque raide, oui, c'est dur de comprendre. Et au fur et à mesure que la conscience s'installe, à ce moment-là, il y a donc le Christ, une incarnation donc. C'est ça, la conscience christique, la conscience solaire, au lieu de simplement la conscience lunaire. C'était l'archange lunaire. Donc le Père représentait le principe de volonté absolue. Oui. Alors, le Fils, celui de l'amour. De l'amour, exactement. Et l'Esprit représenterait-il le principe de l'intelligence absolue? De l'intelligence, oui, l'esprit de sainteté, oui, l'esprit de sanité, l'esprit d'harmonie. Oui. Alors l'un procède de. Le dernier procède du Père et du Fils, comme on dit en théologie christique. Hein. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc on va rentrer dans cette ère-là de l'Esprit. De l'Esprit, oui, de l'Esprit de sainteté. Ouais, de sainteté. Comment est-ce que ça va se manifester, d'après vous, les prémices, c'est quoi? D'abord, ça va être cet éveil de la conscience, hein, par l'intronisation de Sauter ou de Sautis ou du Père dans le système solaire. Parce que le Soleil n'est que le Fils du Très-Haut. Alors, quand ce grand Soleil, autour duquel notre Fils, notre Soleil tourne, rentrera en proéminence, en orbite précisée, c'est exactement ce qui sera. Là, il y aura un renouveau d'intelligence, de compréhension et d'harmonie. Est-ce que cette intelligence-là, c'est l'intellect actuel ou c'est autre chose? Non, l'intellect actuel est purement objectif et basé sur les impressions sensorielles. C'est le paramental. Supramental? Supramental. Alors, ça dépasse la compréhension purement objective. C'est une intelligence innée. ou intuitif. Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont déjà parlé de cette conscience supramentale? Sur Aurobindo, par exemple. Aurobindo? Aurobindo, oui, justement. On a parlé, puis il parle très éloquemment. Est-ce que ça a été le premier à intuiter la venue de cette ère-là? Non, il y avait des hindous, un nommé Shriyukteswar, l'Airimashaya en a parlé au début du siècle, et un peu au tout début du siècle, il y a eu d'abord Paramahansa Yogananda et Vivekananda qui ont commencé à intimer ces choses-là. Également, les autres avatars sont nés de l'Inde. Donc, aux Indes, il y a eu déjà depuis quelques temps. Ça a commencé d'abord avec les initiateurs des grands missionnaires, Shankara Chaira. Hein? Shankara. Ça a été tout le courant oriental qui a donc intuité la venue de l'Esprit. La lumière est venue de l'Orient. On dit bien que c'est orienté de l'Occident, la lumière venait de là. Et là, on commence à se ramifier dans tout le monde. Et en Californie, ce sera le berceau de la nouvelle civilisation, il n'y a pas d'erreur. Californie, dans Nevada, Donc le supramental a été intuité aux Indes et puis intégré en Amérique. Exactement. C'est le moment décisif qui vient à la fin du siècle à cause de cette résurgence d'énergie solaire et de l'intelligence solaire surtout. qui va stimuler tout ce renouveau d'intelligence supérieure. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des individus aujourd'hui sur la Terre, d'Amérique, du Nord ou du Sud, qui incarnent cette conscience-là, d'après vous? J'aimerais citer l'auteur de l'œuvre dont je suis représentant, John Howard Zitkour, hein, qui a passé 36 ans de sa vie à décortiquer tout cet enseignement-là à partir des Lémuriens, tout ça. Alors, je me suis dit, j'en ai connu plusieurs autres aussi au tout début du siècle, vers 1912 et 15, mon père me parle du juge Charwood. Plus tard, j'ai fait la connaissance de Percival, un nommé Percival, quelqu'un dans le volume fameux intitulé La pensée et le destin, la pensée et le destin. Alors, ce pionnier-là a préparé le terrain pour l'enseignement théocratique tel qu'il se présente aujourd'hui, tel qu'il commence à se distribuer dans le monde. Mais d'après vous, cette conscience ou cette supraconscience, est-ce qu'elle est manifestée en réalité aujourd'hui sur le plan humain à travers dans des secteurs isolés, mais ce n'est pas encore distribué à travers toute la planète, mais ça sent bien. Et vers la fin du siècle, ce sera une insurgence totale puis dramatique, parce qu'on aura des invasions, plutôt des flottilles de gens qui viendront se mêler aux affaires, la gérance populaire. On trouve ça drôle. On a vu de temps en temps, il y a quelques années, depuis 59, et quelque chose comme ça, on voyait ces chelomilles, quand ils viendront presque à dire de plusieurs centaines, puis qu'ils s'installeront parmi nous, alors on dira, ils sont annoncés, mais on... Quand ils vont arriver, on va leur dire, Alexandre Lachance vous attend. Il vous attend, Saint-Julien, par là. Saint-Julien, oui. Il a bien hâte, ça fait un bon bout de temps qu'il vous attend. Ils vont d'abord survoler le Vatican pour réveiller la conscience. Ça va les réveiller. Au Vatican, justement. Puis en Californie, dans les déserts, puis ils vont se remercier d'entre eux dans tout le Nouveau Monde, dans les Cordillères des Andes et tout ça. Ah oui. Puis ça ne retardera pas, hein? Ça ne retardera pas. Dans une décennie, peut-être moins que ça, on verra ça. C'est une flottille d'objets volants. Mais ces objets volants contiendront des êtres pensants. Hein? C'est pas rien des véhicules, ils sont pilotés. À votre avis, quelles sont les longueurs d'avance en années qu'ils peuvent avoir sur nous au niveau de leur compréhension? On parle du temps de Langevin, par exemple. Hein? Alors, on dit que le temps ni l'espoir n'ont pas d'existence réelle dans le cosmos. C'est un état d'esprit. Pour eux, c'est simplement se mettre sur une certaine longueur d'onde spatio-temporelle qui n'est pas un tour de force aujourd'hui, parce qu'on connaît les lois de la relativité. Alors le temps n'existe infiniment moins pour eux que pour nous. Nous, on est victimes du temps et de l'espace. Eux ne le sont pas. Ils ont dépassé ces deux. Est-ce que ce sont des formes humaines comme nous? Oui, absolument. Comme nous, seulement ils sont plus radiantes. Au lieu d'être des scaphandres mobiles, simplement, ce sont des êtres, je dirais pas désincarnés, mais dégrossis. Hein? Oui, alors, des êtres radiants, véritablement. Mais on les reconnaîtra comme tels. Ah, oui. On verra ça, on dit, quelle impression étrange qu'ils nous font, on dirait qu'ils sont faits de lumière. C'est exactement ça, ce sont des êtres de lumière. Or, ces êtres, cette configuration du soleil, de Sotis, là, est-ce qu'ils vont venir nous mettre le nez dans nos Sotis à nous, là? Sauteur, on l'appelle sauteur. Le mot veut dire sauveur. Hein, c'est le père du système solaire. La source d'émanation du système solaire. Oui. De notre système solaire. Alors, c'est un être, lui aussi. En tant que sauveur, est-ce qu'il nous... de quoi nous sauve-t-il? De nous-mêmes. De nous-mêmes. De notre grossièreté, oui. Ouais. De notre... de notre condition amorphe, oui. Alors, il nous éveille à notre conscience véritable. C'est-à-dire, ce que l'on est, ce que l'on a toujours été à notre insu. On va dire, on soupçonnait, mais on n'osait pas se croire. Des feux du très haut, oui. Est-ce que Einstein n'a pas parlé de ceci? Il avait des opinions là-dessus, lui? Oui, Einstein, c'est pas rien qu'un savant. C'est un grand mystique aussi. Un grand mystique, il n'y a pas d'erreur. Oui. Il disait que ces êtres-là qui nous visitent sont nos ancêtres qui ont évolué. Qui ont évolué et qui sont partis et qui reviennent. Ils sont partis il y a 20 000 ans. Il disait, pourquoi 20 000 ans, d'après vous, ça correspondrait à quoi? Pour Dieu ou bien dans le cosmos? Ouais, mais je ne sais pas, il a dit 20 000 ans. Un millénaire, c'est l'équivalent d'une seconde pour l'homme, hein? Parce que le temps est élastique, n'a pas d'existence. On ne pourra jamais prôner cette phrase de trop. Le temps n'a pas d'existence. Alors, Ils reviennent tels qu'ils sont partis là-bas. Si c'est 20 000 ans, ça devrait correspondre à la période Atlante, peut-être. Oui, justement, oui. On Donc ce serait les initiateurs ans, oui. De l'Atlantide. Oui, on dit 21 000 ans pour faire 79 000 ans, oui, justement. Alors oui, ils vont revenir par Exode, par grande... Mais la civilisation égyptienne, la pharaonique, est-ce qu'elle ne faisait pas référence justement à des dieux venus du ciel? On voit partout sous les temples, toutes les ethnies, les disques ailés, les disques avec les ailes. Puis dans l'Amérique centrale aussi, dans l'Amérique latine également, toutes les grandes civilisations ont cru en l'existence des ancêtres venus d'ailleurs. Les Chinois, les Japonais, tout ça. Les Lapons, on va voir ça dans les peuples finnoises, justement. Il y en a question. Les Finlandais, nos ancêtres venaient d'ailleurs. Les Chinois, ils s'appelaient les Phéniciens. Tout le monde est au courant de ce que nous entretient en ce moment notre ami Alexandre. Tout le monde connaît ça, l'épopée finnoise et le Kalevala, bien entendu. On peut trouver ça dans tous les kiosques à journaux. Tout le monde est au courant, pas de problème. Oui. On parle des Vikings, des Vikings. Ces gens-là ont véritablement existé. Alors, toutes les narrations qu'on donne au sujet des Vikings, tous ceux qui les ont possédés, c'est de l'histoire. Ça date de quelques milliers d'années. Parlez-nous donc ça un peu du Kalevala. Il en a déjà été plusieurs fois question, là, mais en substance, c'est quoi? C'est une épopée, pareil comme l'Énéide, l'Iliade ou l'Odyssée, par Homère, tout cela. C'est l'histoire des civilisations qui nous ont précédés, qui ont précédé ces gens-là, dont ils ont conservé des vestiges, et qui la relatent dans une épopée, dans un poème de toute beauté. C'est alchimique, c'est théocristique également. Parce que le terme Christ s'emploie, même dans cette époque, on l'emploie. C'est donc pas depuis l'ère du Verseau ou l'ère des poissons qu'on emploie le mot Christ. C'est donc une Bible, en quelque sorte, qui se transmet verbalement. Verbalement, oui. Et qui appartient aux races du Nord, l'hémisphère Nord. Oui, ça vient de Finlandais. Ça vient de Finlandais, oui. Et ceci depuis des milliers d'années, de génération en génération. Oui. Il n'a pas été corrompu. On a encore conservé tout le cachet de son authenticité. C'est précieux. Alors, déambulation à ce sujet-là dans quelques temps, oui. Un nouveau ciel et une nouvelle terre constitueront le produit ultime de cette restauration, et quoi qu'il y ait une certaine suggestion de renouveau dans notre hypothèse, elle n'y est introduite que pour indiquer la continuité de la vie humaine sur cette planète. Nous avons émané d'une source centrale, et à cette source, nous retournerons éventuellement. Ceci constitue une explication de ce grand mystère de comment le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Oui, c'est la phrase de Jésus. Quand ses disciples lui demandent quelle sera la position de chacun dans le royaume des cieux. Il dit exactement, ils tous seront ex aequo. Alors le plus grand parmi tous sera le serviteur de tous. Alors, il établit l'ordre de l'équitabilité dans tout ce domaine-là. Alors, ceux qui sont demeurés latents dans ce domaine-là, ont tendance à ressurgir, devenir les premiers. Je me pose toujours la question, je reviens encore une fois au Kalevala, là, je me demande toujours pourquoi il y a une petite réticence à vouloir parler du Kalevala. Est-ce que ça veut dire que ce ne serait pas une Bible qui pourrait avoir été en fait... Une Bible, mon frère. Oui, mais qui pourrait avoir été éclipsée par la tradition judéo-chrétienne. Est-ce que pas primitive ou primordiale ou antérieure? Justement, comme le mitraïsme par exemple, c'était toute beauté cette religion-là, de mitraïsme, n'est-ce pas? Oui, tout le monde connaît ça. La mitrailleuse. Il y avait plusieurs Christs dans le Nazaréen. Oui. Mais tout ça, c'est occulté. On l'a fait intentionnellement pour porter l'attention sur le dernier qui est présenté à notre émulation. Oui. Mais il y en a eu 26 avant lui. Il y a le nommé Godfrey Higgins qui a écrit World Saviors Galore, la pluralité des sauveurs du monde. Ah, oui. Alors, tous ces gens-là ont eu leur. À remplir. Mais on ne retient toujours que le dernier. Justement, pour... On en fait table rase de tous les autres. Je sais qu'il y a encore des documents, des preuves à l'appui, comme ils ont vraiment réussi, puis on le sait, des documents précieux. Oui. Le Kalevala, c'en est un. On peut appeler le Kalevala une Bible finnoise, Des peuples du Nord. Dans la neige, dans les sapins, dans un décor de Laurentide. Notre Bible... ce n'est pas la source de la religion, c'est simplement le résultat de la religion. Et toutes les Bibles, y compris le Kalevala, aussi bien que le Popavju, le Zendavesta, le Rig Veda, les Upanishads, C'est le résultat de la pensée religieuse que les collectivités ont entretenue. Ce sont des bibliothèques, des catalogues de pensées religieuses. C'est intéressant quand on a une pluralité ou une ouverture d'esprit telle que la vôtre. Il ne peut plus y avoir de fanatisme religieux. Non, impossible. Mais tout le monde est centré sur lui-même ou sur son héritage, oui. Sur sa Bible, sur son Dieu, etc. Mais d'ailleurs, à travers tout ça, il y a un fil d'argent ou un fil d'or, je devrais dire, qui relie tous ces écrits religieux-là, qui viennent de la même source. Alors, ça vient d'ailleurs. Vous devriez aller donner un séminaire au Liban. Oui, oui. Ça ne leur ferait pas de mal. Et nous, ça nous permettrait de comprendre ce qui se passe là-bas. Et puis, peut-être même qu'eux-mêmes pourraient savoir enfin ce qui se passe chez eux. Du Liban, j'ai reçu dernièrement quelques volumes que je n'ai pas vu depuis longtemps. Poète libanais, Khalil Gibran. Khalil Gibran, oui. Gibran, justement. Ouais. C'est donc beau, hein. Mm-hmm. C'est une intuition religieuse aussi. Oui. Alors, mais... c'était traduit en français dernièrement, je pense. C'est beau, ça. Ça vient du Liban, je peux dire qu'il y a tellement de désordre maintenant. Il est possible que certains étudiants de cette conception théocristique, qui sont conscients de leur héritage lémurien, puissent se considérer comme ayant droit à certains privilèges et prérogatives qui étaient jadis leur apanage dans des incarnations passées. Cette participation aux citoyennetés dans le nouvel ordre de théodémocratie exige plus qu'une déclaration oisive d'allégeance au principe divin qui doit éventuellement être comprise par tous ceux qui aspirent à l'initiation au mystère du royaume de Dieu. Aussi, ce n'est pas rien que l'intention qui compte, c'est l'action qui en suivra. Alors, pour faire partie de la nouvelle race, de la race qui doit inévitablement prévaloir à la surface de la Terre, il faut y participer. Alors, chacun à mesure de nos possibilités, on doit mettre la main à la charrue et faire progresser la race humaine tout entière. Et là, on pourra participer aux privilèges qui sont donnés aux citoyens de la nouvelle race. Le résultat total de votre étude de cette conception doit être l'établissement d'un contact permanent entre vous-même et les frères aînés. Ah bon, oh, les frères aînés. On en parle beaucoup des frères aînés, on s'imagine que c'est des privilégiés. C'est des gens qui ont dominé la matérialité et qui restent tout de même sur un plan intermédiaire pour aider ceux qui ne peuvent pas y avoir accès par leurs propres ressources. Alors, ces frères aînés existent véritablement. Il y en a parmi nous. Hein. Il y en a tout autour de nous qui agissent même à notre insu. Hein. Alors, ces frères aînés, c'est ce qu'on appelle les ailes de bordeuse. Hein. Ouais. Alors, c'est des parvenus, des maîtres qui ont atteint leur ascension, mais ils sont restés sur le plan terrestre pour aider l'humanité. Un très grand nombre. Le dernier, celui qui était plus efficace, on a encore son idole ici. Le comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain. C'est un frère aîné. Hein. Cayosso et tous les autres qui étaient dans sa suite. Il y avait même un barbier parmi, je ne sais pas si on n'en a pas beaucoup parlé, nommé Aliette, Itélida. Vous avez déjà entendu parler de la voix? Non, très peu. Très peu. Hein? Oui, c'est parti de la hiérarchie, c'est bien la hiérarchie, avec un sens restreint, si vous voulez. Mm-hmm. Alors, ses frères aînés, c'est ceux qui ont dépassé les exigences coutumières. Hein? Alors, il y en a pas mal. Et ce contact, donc avec les frères aînés, devra non seulement être permanent, mais aussi une association consciente d'esprit, oui. Tous voués à l'édification des institutions du Nouvel Âge. C'est le degré de votre dédication à la cause de la race à venir qui déterminera grandement votre éligibilité comme citoyen de le nouvel ordre de vie. Oui. Alors, dès que vous êtes voué, je vais dédier votre vie au bien-être de l'humanité, vous faites partie de l'élite. Vous êtes traité en conséquence par les frères aînés aussi bien que par l'atmosphère qui prévaut à travers tout ce groupe-là. Car la promesse que vous devriez être l'héritier du monde ne fut pas faite à Abraham ou à sa lignée à travers la loi seulement, mais à travers la rectitude de la foi. Oui, justement. Alors, l'élément juif, l'élément hébreu, comme l'élément israélite, ce n'est pas nécessairement un élément ethnique, c'est un élément christique. Alors, je peux être né aussi bien au pôle Nord, je peux faire partie de la race israélite. Hein. Mais j'ai l'impression que tant qu'on parlera de conscience christique, il y aura toujours une division sur la Terre. C'est parce qu'on a... Cette conscience christique, elle existe partout, quelles que soient les religions, elle a un terme différent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de conscience solaire, peut-être? Justement, la conscience christique n'est pas le dernier cri, le dernier stade. derrière le Christ, ou le Fils de Dieu, le Fils d'Israël, il y a le Sauveur sauvain, auquel on a accès dès que l'on a passé par la crucifixion, l'illumination christique. Bon, ça c'est le pour ça qu'il dit « Je suis le chemin, Chemin, oui, qui mène au Père, oui. Nul n'arrive au Père, sinon par moi. Hein? » Bon. Alors, le Christ, ou le Fils... À ce moment-là, quand il dit cela, c'est la conscience christique, la conscience solaire, qui s'exprime à travers cet homme, exactement, Jésus. Oui, il était simplement l'ambassadeur. Et c'est pour atteindre la conscience du Père, de façon de sauter, de sauter ce soir. Alors, ça, c'est le doyen du système solaire. La source de provenance du système solaire. Et au sujet de la foi, nous aurons beaucoup plus à dire plus tard dans cet enseignement. Mais j'aimerais aussi, qu'on en parle quand même un peu. Aussi, croire en une chose, c'est croître vers cette chose. Hein? Alors, la foi, c'est avoir une conscience, une conviction innée, totale, de la réalité d'un certain état d'existence. Alors, la foi, c'est simplement vivre une chose. Avoir foi en Dieu, c'est se croire Dieu, sous forme humaine, une réplique de Dieu, qui a été faite à son image. Nous sommes le produit de son imagination. Et ce que le grand imagier, le grand mage, a créé, à imaginer, nous sommes cela. Nous sommes cela, en embryon. À nous de le réaliser et de l'exemplifier. Nous sommes des répliques de Dieu, des dieux en gestation. Tous les prophètes. C'est ce budget des dieux. Et le Christ lui-même l'a dit quand on voulait l'appeler pour s'être appelé fils de Dieu. Mais est-ce que vous Malachie, justement, ne vous a pas dit « Vous êtes des dieux, comportez-vous comme tel hein? » Autrement dit, on devrait savoir ou ressentir intérieurement qu'on est appelé à un destin qui n'est pas achevé, qui est en voie, gestation, justement, en gestation. Oui, oui. Et dès qu'on a cette appréhension-là, cette intuition-là, on se sent magnifié à notre insu. On dit « Je ne suis pas ce que je semble. Hein? » Et d'après vous, est-ce que cette foi-là s'applique aux dogmes et aux doctrines? Oh non, ça c'est simplement l'incrédulité, hein? Oui, l'incrédulité. L'une est cérébrale, l'autre est simplement totale. Ouais. Et viscérale, je pourrais dire. Sentir une chose, éprouver une chose, en avoir la conviction dans tout votre être, ça dépasse la conviction qu'on peut en avoir pendant la logique ou la pensée. Alors, le corps sait, et le corps c'est tout votre être, mais quand tout votre être est solidifié, comme ça, par la présence de la divinité en vous, là, il n'y a plus besoin de croire, vous savez. Ouais. Okay. Donc, c'est une étape encore. Oui, c'est une étape. Oui, oui, la foi. Une étape, la croyance. Oui. On dirait cette fois que la philosophie, c'est. On est dedans comme ça, c'est la prédilection pour la sagesse, pour la sagesse. Mais non, on dit que la sagesse ou la foi mène à la connaissance. Alors, avoir la foi en une chose, c'est se croire cette chose-là. Croire en l'existence ou en la présence de cette chose-là. On en passe dans tous les modes d'enseignement. La première conférence que l'on donna parlait de la réalisation d'un désir quelconque. On disait, la formule, c'est de se croire en possession de la chose. Et dès que vous croyez pour un instant en possession de ce que vous désirez, vous l'attirez parce que vous le devenez. Vous êtes un aimant qui attire ça. On disait, désir, plus fixer l'attention, etc. Plus suggestion. La suggestion, c'est de vous croire en possession de la chose, de la condition que vous désirez. Là, vous le deviendrez, forcément. Mais il y a des croyances qui doivent être abandonnées en cours de route dans l'évolution. Oui, forcément. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une croyance qui doit être abandonnée? Par ses affaires, il faut éprouver tous les esprits, hein. Et on les met à l'épreuve. Des croyances, par exemple. Ou ce sont les croyances qui nous mettent à l'épreuve, bien souvent. Oui, oui, mais il faut les tester, pour en dire. Je prends un indécis, vous permettez. Alors, il faut les tester. Il faut tester tous les esprits. Le Christ, même Saint Paul aussi, l'a dit. Vous mettez les esprits à l'épreuve, voir s'ils sont vraiment efficaces ou bien c'est rien que des promesses. Ça peut être parfois des voiles sur la conscience, des illusions entretenues nécessaires pour un certain temps, mais qu'il faudra mettre à terre. Ça peut aider, oui. Mais seulement tous les voiles, les mistes, il faut soulever. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de mesure de la conscience. Non. Pour dire à tel degré, on peut enlever ça comme croyance, ou ça comme illusion, ou ça comme dogme. Et la conscience consiste à s'identifier avec ce que l'on souhaite devenir. C'est ça, c'est dans ce sens-là qu'on doit interpréter sa valeur pour nous. S'identifier à ce que l'on souhaite devenir, ce que l'on doit devenir. Alors, malgré nous, on le devient. Hein, en se croyant cela. Ouais. l'hindou dit Tatwanasi, tu es cela, hein, ce que tu as imaginé, ce que tu as visualisé, c'est simplement ta réflexion. Qu'il suffise de déclarer à ce point, donc au sujet de la foi, que les premiers lémuriens étaient grandement dépourvus de foi, tel que nous comprenons le terme aujourd'hui. Oui, c'est justement le point. Puis j'ai ouvert mon action avec le mot crédulité. Alors, il n'était pas crédule, mais il était convaincu des réalités supérieures. Il n'était pas de la crédulité. Alors, c'était un mode de vie, un mode de conscience, parce que la foi, c'était un mode de pensée. Maintenant, ces lémuriens réincarnés doivent apprendre la nécessité de la foi en un Dieu qu'ils ne peuvent voir, en un prochain qu'ils ne peuvent aimer facilement, même en eux-mêmes qu'ils ne peuvent souvent reconnaître. Bon, s'ils reconnaissent Dieu en eux, ils vont facilement le reconnaître en leur prochain. Alors ça, c'est l'effet de l'autoréalisation de la religion en soi. C'est dans le visage de son voisin, souvent sa voisine, que l'on voit Dieu. C'est encore un acte de foi. C'est un acte de foi, oui, oui. Ah oui. Alors, c'est l'identification avec son prochain qui nous fait croire en la réalité de l'existence totale. Mais cette foi viendra, et quand cela sera, il n'y aura plus de souffrance ou de douleur. L'unité de l'homme avec Dieu et avec lui-même aura été réalisée. Justement, je retourne au mot foi, puisqu'il m'intrigue. C'est encore cette belle phrase de Lamartine. Il raconte la confession ultime d'un prêtre soi-disant pénitent. Je me repens de tout, sauf de l'avoir aimé. Et si devant mon Dieu, cet amour est coupable, je veux qu'éternellement sa vengeance m'accable, car je ne puis m'arracher du cœur, même aujourd'hui, le seul être si beau que me fait croire en lui. C'est donc l'amour qui vous porte à croire. Et ce genre de foi-là, ça dépasse toutes les formes de raisonnement, hein? Ah oui, de Martin, on l'a bien vilipendé et critiqué, mais c'était une phrase géniale, ça. Hein? Je ne puis m'arracher du cœur, même aujourd'hui, le seul être ici-bas qui m'a fait croire en lui. Alors, c'est vivre l'amour pour croire en Dieu. Hein? Alors, l'amour mène à la sagesse, non pas la sagesse de l'amour, mais l'amour de la sagesse. Et quand cela sera, il n'y aura plus de souffrance ou de douleur. Non, parce que les trois parties de notre être sont harmonisées. Corps, âme, esprit formeront un tout total. Il n'y aura pas d'enchaînement entre ces deux éléments-là. Puis l'esprit prédominera. Ouais. Il y a donc des stratifications aujourd'hui entre le corps, l'âme et l'esprit. Oui, parce qu'il n'y a pas un contact permanent. Non, justement. Une osmose. Pour que tout ça soit bien intégré, on parle avec Jacques il y a quelques temps, on disait que l'âme soit trinifiée. Trinifiée. Parce que son créateur est trinitaire. Alors il faut que tous les trois éléments de son être, corps, âme, esprit, vivent sur la même longueur d'onde. Et quand il atteint cet état d'esprit-là, ben, c'est un bonheur parfait total, parce qu'il béatifie tout ce vers quoi il se dirige. Autrement dit, aujourd'hui, la symphonie de l'homme, elle est dissonante, oui, parce que ses corps sont divisés, ou ne sont pas sur la même longueur d'onde. Justement, ce n'est pas sur la même longueur d'onde, ce n'est pas sur le même degré vibratoire. Alors, il s'agit de trinifier, d'équilibrer les trois parties de son être, corps, âme, esprit, pour qu'il y ait juste une entité unique, qui est l'image du Créateur. L'unité de l'homme avec Dieu et avec lui-même aura été réalisée. Oui, justement. Quand l'homme, à travers toute la planète, la race humaine tout entière reconnaîtra son unité, son identité avec son Créateur, là, enfin, la paix, l'harmonie règnera à travers toute la planète, non seulement parmi la race humaine, mais dans toute le règne organique, aussi bien qu'inorganique. Ouais. On nous donne dans bien des cas des tailles, des conditions qui prévaudront quand viendra l'âge d'or. On dit que le lion paîtra avec l'agneau, parfaitement en paix. Ce n'est pas exagéré. Puis tous les traités anciens mentionnent ça. Ça veut dire que les corps émotionnels auront été bien ajustés pour... Justement, oui. Ouais. Il n'y aura pas d'inimitié entre l'homme et la bête. Ouais. Rapproche-toi de Dieu et il se rapprochera de toi. C'est dans Jacques. Servons Dieu et Dieu nous servira. Partout, il y a réciprocité. Et si nous devons être des initiés théochristiques, il doit y avoir compensation. Oui, voici. Alors, l'initiation théochristique, comme je disais tout à l'heure, le mot initiation veut dire l'initiative, prendre l'initiative dans ce domaine-là. Réaliser notre potentiel, notre devoir, notre mission, c'est de s'irradier, d'irradier le bien, le bon, le vrai. À la ronde. Et toutes les trois aspects de cette situation bienheureuse combiné créera l'harmonie totale à travers toute la planète. Et ça se communiquera à ceux qui sont dépossédés un peu de connaissances pour y avoir accès par le même. Et la race humaine tout entière en bénéficiera. Bon, là, on a terminé ce chapitre-là, mais il nous reste à peu près 20 minutes. Et on n'a ici même qu'une seule question. Ça fait que si vous êtes d'accord, je vous proposerai d'entrer dans le chapitre suivant, qui est quand même un chapitre qui fait 15 ou 16 pages. Donc on pourrait prendre un petit peu d'avance sur la semaine prochaine. Ça va, oui. Et qui est donc cette première initiation théocristique avec des exercices de concentration. Oui. Je t'ai donné le texte peut-être? Oui, je l'ai. Il va falloir que j'aille le chercher, je pense que il n'est pas ici. Okay. Merci. Ben, si vous pouvez l'avenir, vous répondez à cette question. Oui. Bon, voici, je trouve deux volets dans votre question. Si Québec est protégé, on n'a pas besoin de déménager. Non, pas besoin de déménager. Parce que je mentionnais que sur le point de vue géologique, Québec est de granit, hein? Il est très solide. On est dans la zone tempérée, puis on n'a rien à craindre des séismes qui vont arriver à la zone équatoriale, hein? La ceinture équatoriale. Parce que par la force centrifuge, ça va voler un peu à l'équateur. Par contre, nous, on est protégés. Alors, ça n'a rien déménagé. On ne peut pas nécessaire du tout déménager. On est très bien chez nous ici. Bon, que veut dire la Terre Sainte? La Terre Sainte, c'est simplement une expression que l'on veut dire une terre qui est saine. Il y a, le mot saint, on peut l'employer dans le sens de sanité aussi bien que de santé ou bien de sainteté. Hein? Mais ce n'est pas une terre de sanctimoniosité. C'est une terre où tout est en harmonie. La Terre Sainte peut être n'importe quel endroit à la surface du globe. Bon, il y a encore une question. Là. Pouvez-vous donner la définition ou la configuration des dolmens sur la Terre? Oui, des dolmens. Donc de ces points où il y aurait de riches minéraux. Ah, là, il y a une question. C'est l'uranium que l'on a trouvé. Intéressé. Là. Oui, il y a de l'uranium. Partout où les anciens explorateurs de la Terre, en provenant de la Lune, ont découvert des gisements d'uranium qui étaient précieux pour l'alimentation de leurs véhicules. Alors, ils ont mis des points de repère comme ça. Alors, c'est un fait reconnu que partout où il y a eu des gisements de minéraux précieux, du plutonium ou de l'uranium, il y avait un dolmen ou un monolithe quelque part. Ça, c'est un fait. Mais à quoi servaient ces gisements d'uranium à cette époque-là? Pour faire de l'eau, pour faire un véhicule pour leur vaisseau spatiaux, faire C'était un mode de propulsion. Oui. J'en prends un peu, mais c'est comme du mercure, c'était très mobile. L'eau lourde est très mobile, c'est pratiquement du mercure universel. Hein. Alors, une ampoule d'eau lourde ou de mercure cosmique, hein. Alors c'est assez pour alimenter un vaisseau pendant des mois et des mois de temps. Alors, partout il y avait des gisements d'uranium ou de plutonium, il y avait des dolmens et Des menhirs, justement, oui. Ces choses-là. On a trouvé partout. Et on a constaté qu'à chaque endroit, il y avait toujours un gisement. Un gisement, surtout, d'uranium. En Bretagne, il y en a un très grand nombre encore. Les alignements de Carnac. Justement, en Carnac, oui, mais oui. Alors, là, on a découvert des gisements de minéral radioactif. Parce que le plutonium est radioactif aussi bien que l'uranium. Alors, l'uranium, alors, c'est pour ça que on a fait des points de repère comme ça pour qu'ils puissent se retracer. Okay. Alors, on va donc entamer ce chapitre-là sur la première initiation théocristique en partant d'un exercice sur la concentration. Il existe six principaux exercices mentaux à utiliser en relation avec votre étude de cette conception théocristique. Ce sont la concentration, la méditation, l'observation, le discernement, la contemplation et l'adoration. On va donc voir à la fin de chacun de ces sessions là un exercice qui sera donc exactement qui va clôturer la session. Tout comme tout à l'heure, c'est-à-dire il y a quelque temps, nous avons décrit la procédure pour réaliser une chose que l'on désire. On a dit c'est désir, fixité d'attention, concentration, suggestion, égale réalisation. Alors ce sont des formules, par exemple, comme je disais, H2O, ça équivaut à de l'aqua fresca. Alors toutes ces formules-là visent à atteindre cet état de transcendance qui nous permet d'atteindre cet état qui est transcérébral. Et quand ça s'éveille en nous, par les moyens que l'on va décrire, alors on dit, je ne soupçonne pas que cette force-là, ou que cette énergie-là, ou que cet état d'être-là existait en moi. On sera surpris, étonné, ébloui de ces choses-là. Mais on sera aussi surpris de voir qu'on n'aurait pas pu le réaliser auparavant. Ça arrive soudainement parce que ça a été retenu, ça a été maintenu en léthargie. Et quand l'éveil se fait à la faveur des choses que l'on décrira, alors on dit, mais c'est merveilleux, ça c'est vif. C'est l'expression exactement que j'ai entendue il y a pas une couple d'années, une fillette, trentaine d'années. Mon oncle, ça c'est vivre, hein? Ça c'est vivre, oui. Ouais. Bon, alors, cependant, l'avoir vécu, Dieu sait, mais seulement, c'est une vie fictive. Hein. C'est la seule remarque qu'on a pu penser. T'es parti comme ça, sans dire bravo, et à tête d'un nuage, ça c'est vivre, enfin. Bon, alors, quand cet éveil-là se fait, c'est l'éveil de la conscience supérieure, de la supraconscience, l'hyperconscience, le mental supérieur. Alors qu'autrefois, vous n'étiez rien conscient avec votre sens d'observation, etc. Et la méditation, c'est atteindre le milieu. Et là, quand vous atteignez le milieu, l'illumination se fait. Vous êtes conscient non seulement de votre champ magnétique, mais de tout ce que ça représente. Le champ magnétique, c'est pas rien qu'une belle chose à voir, c'est quelque chose à subir aussi. Alors, mais il est en léthargie. Donc, ce champ magnétique est ouvert, est mobilisé, est mis en branle, là, tout votre organisme en subit l'effet bienfaisant. Tout votre organisme, tous les chakras ou les centres d'intelligence qui sont échelonnés sur l'ordre d'ABV, vous en subissez l'effet. Voilà. Vous êtes surpris que ce n'est pas arrivé auparavant. Ces exercices doivent être interprétés à la lumière de la tradition ésotérique occidentale. Oui. Oui, parce qu'en arrière, on a différentes méthodes. Mais comme nous faisons partie de la lignée judéo-chrétienne, on se base toujours sur l'enseignement christique. Hein? Des sacrements, ce qu'ils représentent, ce dont ils tiennent lieu, et qui nous mène à la dernière illumination. Chaque exercice sera expliqué en deux phases, élémentaire et avancée. Vous devrez pratiquer ces exercices au maximum de vos capacités et ne pas trop vous soucier des difficultés quelconques que vous pourriez rencontrer dues au manque de préparation préalable. On prend le premier exercice qui consiste à immobiliser votre corps au point d'en être tout à fait inconscient. On sait que la pensée, c'est la folle du logis, elle circule toujours même à notre insu. Ce n'est pas les pensées que l'on entretient soi-même, des fois c'est les pensées que les autres dirigent vers nous, et on est envahi par ces pensées-là. Mais si je vous concentrez sur votre respiration, par exemple, ne pensez qu'à l'air qui pénètre dans vos fosses nasales et qui en sort. À l'exclusion de toute autre chose, vous êtes conscient comme un courant d'air qui rentre, qui sort. Et à un moment donné, vous n'êtes plus du tout conscient de votre corps. Vous sentez que vous enveloppez votre corps. Vous êtes en dehors de votre corps. Bon. Alors là, ce premier exercice-là, dès que j'ai réussi à le faire, il y en a qui peuvent le faire en dedans de 2-3 sessions. D'autres prendront peut-être une semaine ou deux avant de l'atteindre. Mais dès que vous l'aurez atteint, vous pourrez le faire très rapidement après un certain temps. Très rapidement. Alors, c'est d'être perdre conscience totale de votre corps en pensant à la force qui vous rend en vie. Soit l'air qui pénètre dans vos poumons. Et là, vous concentrez sur la vie, non pas sur le véhicule de la vie. Et quand vous avez atteint cet état-là, on dit que c'est ce qui est ça. Ah, ça, c'est mon corps, c'est le corps que j'occupais auparavant. Et vous pouvez dire, mon corps est en dedans de moi. Moi, je suis tout en dehors de ça. Parce que vous êtes l'air que vous respirez. La vie qui est dans votre organisme, c'est l'air. La vie est entrée par la première respiration. Et là, vous serez conscient, regagne de cette air qui circule à travers toutes les pores de votre peau, tout votre être. Et là, vous avez atteint le premier pas à atteindre, pour dire, ben, ça c'est méditer, atteindre le milieu, être conscient de la vie en moi, par le biais de mon insufflation, ma respiration, mon expiration. Il y en a qui pourront l'avoir peut-être dès la première tentative. D'autres diront, ben, je suis distrait, je pense à d'autres choses. Mais si vous concentrez sur ça, inévitablement et fatalement, vous l'obtiendrez, cet état-là. L'état d'absence totale de conscience de votre corps. En étant assis, paisiblement assis, même couché, même assis, bien confortablement, bien étendu, vous atteindrez ces choses-là inévitablement. Ça, c'est la première étape à atteindre. Oubliez de devenir inconscient de votre corps. et contient rien que de la vie qui circule par le biais de votre respiration dans vos poumons. Mais vous avez perdu conscience de votre corps, totalement. Là, ça doit être fantastique, ça, mais je vous assure qu'il y en a qui l'ont pris tout de suite le premier coup. Il y en a qui ont eu cet état, qui ont atteint cet état-là par des méthodes artificielles, telles que l'anesthésie, par exemple. Une personne sera anesthésiée au chloroforme, puis j'en suis le témoin moi-même, dès qu'elle commence à suffoquer, et a senti qu'il était hors de son corps. Alors, si ça peut se faire artificiellement, en inhalant quelque chose de nocif qui remplace l'oxygène, ou alors ça peut se faire comme ça, en concentrant sur la respiration qui circule dans vos fausses narines. Ça prend pas de temps. Si vous concentrez véritablement, vous êtes dans le silence, dans l'isolement, vous n'êtes pas dérangé, en très peu de temps, vous réussirez cet état chaud-là. C'est-à-dire simplement, je suis. Et votre corps, ah oui, c'est ce que j'occupais il y a quelque temps. Puis d'un coup, vous retombez, vous sentez retomber dans votre corps. Vous dites, ah ben, j'étais en dehors. Alors, c'est le premier exercice à pratiquer. Puis on peut l'atteindre assez facilement. En dedans, déjà un maximum d'une dizaine de jours, vous réussirez tous à faire cela. Les drogues qui circulent dans le monde, en Amérique, surtout depuis un certain temps, ont cet effet-là, certaines drogues. Hein? Mais ce n'est pas recommandé. Pas plus l'anesthésie est recommandée. C'est un effort de volonté, un effort de concentration. Concentrer sur ce qui vous donne la vie, c'est-à-dire l'air qui vous est, qui pénètre dans vos narines. Concentrer sur ça. C'est ça qui est votre vie. Hein? Alors, dès que vous avez réussi cet exercice-là, cet état-là, et vous verrez que vous êtes véritablement la vie qui circule à travers tout votre organisme. Et votre organisme dira, c'est ce que j'occupe, c'est le véhicule dont je me sers pour m'agencer dans le monde. C'est pas difficile à obtenir, soyez-en sûr. Soyez-en sûr. Quand on le atteint, vous direz, ah, il y a rien là. Bon, il y a rien là, mais encore faut-il entrer dedans, hein? On y va? Ouais. Je continue? OK. Tous ces exercices ont une chose en commun. Ils sont basés sur la visualisation, la science de projeter et de recevoir des images au niveau mental de connaissance. Il n'y a rien de nature psychique au sujet de cette méthode d'atteindre la plus haute forme de discipline intellectuelle et spirituelle. Le domaine psychique s'applique au niveau émotionnel ou astral de vie, et quand il est pénétré par le novice, il défait le but de ces exercices qui consiste à polariser l'esprit sur des objectifs moraux et philosophiques. Voici, on a parlé de visualisation, j'en parlais il y a un instant, au sujet de la méthode de réaliser un désir quelconque. La méthode habituelle, c'est de créer des images, entretenir des images mentales au sujet d'une condition désirable, soit pour soi ou pour autrui. Et quand on a... On s'habitue, on se voue à ce genre de visualisation-là, d'imagination-là. On peut jouer indéfiniment et créer des conditions de plus en plus désirables. Il s'agit de visualiser, d'imager, d'imaginer, jusqu'à ce que vous vous sentiez en possession de ce que vous visualisez. Ça se fait automatiquement aussi, après un certain temps. Vous pouvez passer un quart d'heure à vous effacer, créer une image mentale, tout d'un coup, vous oubliez que c'est vous qui créez une image mentale, vous la voyez, cette image mentale-là. Vous la voyez, et vous sentez qu'elle est en vie, qu'elle existe véritablement. Et là, elle se réalisera dans votre vie. Que ce soit un état d'esprit quelconque, ou bien que ce soit un état sur une condition sociale, ou bien que ce soit l'obtention d'un environnement plus désirable, des conditions de vie plus acceptables. Alors, il s'agit de visualiser ces conditions-là. Ça, c'est le deuxième exercice qui vient après avoir réalisé que ce qui est notre vie, c'est ce qui circule en nous, le souffle de vie, la vie, l'élan vital. Et ces deux exercices-là sont concomitants. Le premier vous met dans une condition où vous pouvez voir ce à quoi ça mène, en pensant spirituellement, en respirant, parce que le respire est spirituel, c'est pas un jeu de mots que je fais là. Et finalement, vous conditionnez vos images de manière à ce qu'elles soient en direction de ce que vous désirez, soit pour vous ou pour autrui. Ces deux exercices-là se suivent après l'autre. Et quand vous avez maîtrisé ces deux exercices-là, votre sort, votre condition de vie en est améliorée de plus en plus, parce que vous réalisez que les effets ne sont pas aléatoires, ils sont véritables. Quand vous avez eu des résultats, vous direz oui, ça opère, ça marche. C'est la voie de la création. Créer, c'est croire. Croire, c'est croître. Alors, ce ne sont pas des jeux de mots, ça non plus. Alors, ces exercices consistent donc à polariser l'esprit sur des objectifs moraux et philosophiques. Exactement. Alors, polariser, c'est concentrer, c'est un terme équivalent, oui, justement. Okay. Ouais. Pour cette raison, cette école évite l'emploi d'encens. Ah oui, oh oui. De mantras. Ce sera d'auto-hypnose. De miroirs, de tambours, de chandelles, etc. Puisque tous ces ajouts conduisent l'élève à un état de réceptivité négative au sein duquel il y a un danger d'interaction avec des entités désincarnées destructrices. De base astrale, venant de base astrale. Donc méfiez-vous des exercices de concentration qui recommandent l'emploi d'encens, de mantras, de miroirs, de chandelles. Et de drague surtout, et de drague, oui. C'est ça, ça oui. Nous met en contact direct avec des entités désincarnées de base astrale. Oui, alors c'est condamnable, définitivement. Non. Autrement dit, on peut être possédé tout simplement. Mais oui, non. Parce que vous ouvrez votre véhicule à l'invasion d'autrui. Ouais. Alors, mais ça, c'est pas ce qui est expliqué partout, parce que j'ai vu des séances de concentration, moi, où c'était une utilisation fréquente, c'était un moyen, justement, mécanique, et oui. J'ai vu les résultats aussi de gens qui avaient perdu la boule, quasiment, directement sous l'effet d'une incarnation dans leur corps qui souffrait de schizophrénie. Oui, c'est une schizophrénie temporaire, mais peut-être nocive. Hein? Ouais. Parce qu'après ça, on devient vulnérable à toutes ces influences-là. Ce serait ouvrir une brèche, justement, aux entités d'astral. Il y en a tellement dans les asiles de Guinée. On parlait il y a quelques temps avec Mgr Schaffner au sujet de ça. Son travail d'exercice consistait justement à ça, à fermer l'ouverture, la brèche qu'ils avaient créée en ayant recours à des moyens artificiels comme ça. Et vous voyez, souvent sous le couvert de bonnes intentions ou d'une bonne volonté, mais oui. qui est une méconnaissance de ces principes-là. Oui. Alors, ces méthodes-là sont nocives, définitivement nocives. Et les méthodes que l'enseignement théocristique préconise, enseigne, c'est simplement réaliser que vous êtes la vie, et la vie vous a été insufflée dans votre organisme par la respiration. Puis la respiration, c'est quelque chose de spirituel, quelque chose qui spire en vous, hein, par les voies nasales. Et en concentrant sur la vie, alors, là, vous êtes en accord avec le grand dynamisme psychique universel. Vous n'avez pas besoin d'avoir recours à des moyens artificiels. OK. Donc, danger d'interaction avec des entités désincarnées destructrices. Avec certaines, le danger n'est possiblement que potentiel, tandis qu'avec d'autres, il peut être très réel. Oui. Dans la prochaine leçon de la série, nous répéterons cet avertissement et indiquerons le bien fondé de cette déclaration. Entre-temps, soyez assurés que si vous suivez les instructions ici mentionnées, vous établirez un jour un rapport authentique avec les maîtres de la Grande Fraternité, et en agissant ainsi, vous gagnerez infiniment plus en satisfaction matérielle et spirituelle que si vous alliez démontrer des phénomènes spirites et succombiez aux ouvriers des ténèbres qui sont toujours avides d'envahir les crédules et les égoïstes dans leurs efforts pour maximiser les forces destructives dans le monde. Oui. Il y en a peut-être parmi vous qui ont pris des leçons de yoga, qui avaient suivi des cours de yoga peut-être. Alors, dans certaines écoles où l'on donne un enseignement collectif, on recommande des exercices de respiration rythmée, mais sans discrimination, ce qui est l'équivalent de s'anesthésier ou de s'hypnotiser par une respiration bilatérale. La respiration bilatérale est très dynamique, parce qu'elle met en équilibre les deux forces positives et négatives, mais il ne s'agit pas de précipiter l'extériorisation de soi, il s'agit de devenir conscient de la vie en soi, ce qui est différent. Alors la vie, c'est le respire, et le respire, c'est la spiritualité. Ce n'est pas un jeu de mots, je le répète. Alors, quand vous êtes conscient de ce que la vie circule en vous, là vous dites, je suis cela. Hein? Bon, quelque chose de spirituel qui spire en moi incessamment. Puis ma vie a commencé comme ça, puis ça y est, comme ça jusqu'à la fin. Ouais. Donc la semaine prochaine, on va entrer dans le corps donc, de cette initiation, et on va voir les lois de la concentration, qui est un petit peu comme l'utilisation de l'électricité, ça peut très bien nous chauffer, nous éclairer, mais aussi nous brûler s'il y a pas justement ces dangers-là ou cet avertissement. Oui, éviter. Parce qu'on a parlé une couple de fois des dangers qui ont été constatés lors des cas de captation soudaine d'une force électrique, et la plus haute des forces électriques, l'énergie vitale. Ça brûle les fuses. Okay. Donc, rendez-vous la semaine prochaine donc, pour la totalité de cet exercice. Entre-temps, je vous signale, pour ceux que ça intéresse, que je passe jeudi soir à CKVL, à l'émission de Roger Drolet, Sommeil interdit. Alors, j'ai bien des choses à dire que je n'ai pas dites encore en public concernant le travail que je fais ici, la Gematria, et puis un peu ce qui a été discuté tout à l'heure autour du comptoir. Là, je vais aller à fond dans ma position et dans ma compréhension que j'ai aujourd'hui du passage d'une ère à une autre, là, mais oui. Dans mes termes à moi. Je suis invité donc à cette radio-là. C'est jeudi soir de 23h à 2h du matin à CKVL, l'émission de Roger Drolette. Puis je vous demanderai de s'intoniser ce poste-là, puis d'appeler dès que l'émission commence, là, et puis de poser des questions, etc. Parce que si les appels sont bons, si ce n'est pas simplement des gens qui s'obstinent avec de très anciennes croyances, on peut prolonger l'émission jusqu'à 4 heures du matin. Alors voilà, c'est un rendez-vous, puis un rendez-vous avec Alexandre dimanche prochain pour la fin de cette session. C'est toujours à 8 heures ici. Je vous rappelle également qu'à l'achat de votre billet pour cette prochaine conférence, vous avez la première cassette de ce soir qui est gratuite avec le billet. Alors voilà, bonne fin de soirée, puis merci beaucoup, notre ami Alexandre Lachance. Merci François, merci toi-même, hein, tu m'as bien aidé. Merci.